Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Gabriel Béhoud improvisera quelques situations impossibles dans les quiz de la huître et on verra les possibilités de débloquer un budget pour ça existe, ça devrait pas là. Assemblage requis commence tout de suite. Hein? Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 7 décembre 2016, à 141 jours de la fin de l'année scolaire, en temps direct des studios de CFO à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oh oui, ça sent la gadoue aujourd'hui, j'ai l'impression. Oh oui, c'est quand même assez glissant. la température qu'on a ce matin, c'est plutôt quand même poudreux là, comme neige. Faites attention. Ouais, s'il vous plaît. Ça glisse, puis en dessous, on sait jamais, glace noire, tout ça. Ce qui se cache en dessous des choses. Exactement. On sait pas. Faites attention. Aujourd'hui, justement, sous la barbe de Gabriel Béhoud se cache, je crois, le capitaine des Rouges de l'équipe de la huître. On va le voir à 8h30 pour sa chronique dans les coulisses de la huître. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas Sébastien Evgertin, deuxième semaine d'absence de suite. Fin de session, hein? le gars, d'habitude, je pense qu'il n'en avait pas raté une avant. C'est vrai? Du tout, depuis son début. Donc, je crois que c'est bien mérité de prendre un petit congé comme ça. Ta chronique à toi s'en vient à la fin de l'émission aujourd'hui. Donc, Tania is gonna Tania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vais vous présenter des voyages de ski un petit peu partout. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Parlant de poudreuse. Parlant de poudreuse. On va aussi s'acheter des choses, pas de la coke. Non. Parlant de poudreuse. J'espère. C'est ça, s'il vous plaît. Donc, on va faire ça dans quelques instants. Ça va être le fun. On a pas mal de choses à se faire d'ici la fin de l'émission. Donc, restez avec nous jusqu'à 9h30. Mais pour l'instant, on commence en musique avec une pièce d'une nouvelle entrée. C'est un nouveau groupe anglophone que je connaissais pas avant hier au Palmarès. C'est fou. C'est The James Clark Institute. Ça, c'est le nom du band. Oh oui. Et le nom de la chanson qu'on va aller écouter, c'est The Devil's Punch Bowl. Oh. L'alcool. Puis de coke. Il manquait que le sexe, puis on a une émission gagnante. Hey, rock and roll! Baby's got chaos in her veins. Lightning bolts at the break of day. But she can't run away from the devil's parade. The devil's escapades. Baby's got madness in a glance. Steps back and ask her to dance, but she don't stand a chance with the devil's serenade, the devil's lemonade. The devil seems to know just what I think. The devil's in her soul, don't let her drink from his punch bowl. Done. Maybe I'm the one who likes to wrap around my fingers and thumbs. Devil Sponge Ball, James Clark Institute. J'adore le son de sa voix. Oui, c'est bon. Oh. Et musicalement, c'est super aussi. C'est vraiment très bon. Ça commence très bien l'émission. Voilà. Ah, maintenant, on veut s'acheter des choses. C'est comme ça, une fois de temps en temps, une fois par semaine, je dirais. Mathieu veut flober son argent. Ben oui, mais ma poche est... Pardon? se faire vider, ouais, c'est ça. Ouais, tu ouais, viens pas te dire son nom. C'est exprès, ça ne devrait pas là. Pas, on l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par quelque chose qui va t'intéresser. Je l'ai choisi pour toi, Tania. Mm-hmm. Je sais que tu aimes bien les cure-dents. Oui, j'adore les cure-dents. Question personnelle, comme ça, révélée en ongles. Mais oui. Tu aimes bien te nettoyer si la bouche. Si vous voulez quelque chose pour Noël, achetez-moi un pack de cure-dents. Ben, achetez-donc un pack de cure-dents au scotch. Oh! Single malt scotch toothpicks. Après, ça va être très bon. Ouais. Après un gros repas. Un gros repas luxueux, comme on appelle. Oui, vous allez vouloir avoir la sensation du scotch dans votre bouche en nettoyant vos dents. Donc, c'est des cure-dents, bien sûr. Ça dit séché. Avec une infusion d'un single malt scotch de Islay, qui vient d'une distillerie de 200 ans. Ça vient d'emballage de 12 dans une bouteille avec un bouchon de liège, comme une bouteille de scotch ou de vin. Ce qui fait un très bon cadeau pour les amoureux du whisky. Mm-hmm. Quoi? Rien. T'en veux? Oui. Je sais. C'est malade. Est-ce qu'il y a un bouchon de liège sur du scotch, je savais pas? Si je me souviens bien, il y a certaines bouteilles que oui. Ouais, c'est ça. Les luxueux, sûrement. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on veut. C'est pour les riches. Ensuite, on va aux gens qui ont de la misère dans leur lit. Si vous êtes en couple, peu importe le nombre de gens dans votre couple, hein, on s'entend. Les gens, des fois, tirent sur la couverture. C'est pas cool faire tirer sur la couverture. On finit qu'on est tout nu. C'est à l'air. T'as frette en tout cas quand ça arrive. C'est ça. Donc, il te faut le Blanket Hugging Prevention Clamp. C'est une pince qui tient vos draps et votre couverture au matelas, hein, pour empêcher votre partenaire de voler votre belle couverture. Mm-hmm. Ça fonctionne sur toutes les configurations de lit. Ça n'endommagera pas vos couvertures et ça peut tenir jusqu'à 50 livres de force. Donc, à moins que vous sortiez avec un lutteur sumo. Vous devez être correct pour 30$ et c'est des 30$ canadiens pour c'est bien, une ça. Des rares fois à la chronique. On aime ça. Ensuite, cette horloge est redondante. C'est une horloge qui vous montre des horloges sur l'horloge. C'est vraiment cool, par exemple. Un peu comme X2Z Exhibit dans Pimp My Ride. T'aimes tellement les chars qu'on a mis un char dans ton char. Donc ici, c'est une horloge noire et blanche, tout ce qui est le plus classique, l'intérieur blanc, le cadrage noir. Et à chaque heure, t'as la représentation des aiguilles qui disent cette heure-là. Et les aiguilles de l'horloge en tant que telles pointent les aiguilles des petites horloges. Moi, je trouve ça vraiment cool, en fait. C'est très beau. Mettons midi, ben c'est juste deux aiguilles, une par-dessus l'autre. À 18h aussi. Et après ça, ben pas par-dessus l'autre. C'est par-bas, par-bas. Et après ça, ben chaque heure a ses aiguilles placées indépendamment. Et évidemment, les mêmes traits... disons, les heures sont plus grasses. Tu sais, la barre de l'heure est plus grasse que les minutes. Donc, c'est la même chose de tous les côtés. Très jolie, l'horloge redondante par le designer graphique G. Lee. Hein? Et au début, c'était un concept, il y a quelques années, à l'école. En fait, c'est un projet pour l'école. Et tout le monde sur Internet lui demandait où l'acheter. Donc, c'est devenu une réalité. On l'a mis sur Kickstarter. Ça a ramassé assez d'argent et on peut acheter sa propre horloge redondante pour 49$ américains. De concept à la réalité, on aime ça. C'est très cool. Le prochain est complètement inutile, mais m'a fait rire quand je l'ai vu à cause du gif animé, en fait. C'est un coussin, un toutou en peluche. Ça s'appelle le Black Hole Plush. Donc, c'est un toutou avec une grosse bouche, mais la bouche s'ouvre un peu comme un sac. Ouais. Un sac de pique-nique, tu sais, avec un cordon que tu peux comme lasser, ben, comme tirer pour le fermer. Hein. Oui, exactement. Bon. Ou par exemple, un sac de couchage. Oui, sac de couchage, certains sacs de sport, de souliers. Oui, exactement. Oui. Bref, c'est que la pluche, tu peux ouvrir sa bouche avec le cordon, si on veut, mm-hmm. et il peut manger d'autres toutous. Fait que ça devient un sac de rangement pour toutous. Pour les enfants, c'est parfait. Tu veux pas avoir de toutous partout. T'as tous les toutous dans le sac de trou noir. Exactement. Hein? C'est cool, j'aime vraiment ça. Puis j'imagine que ça rend la chose beaucoup plus intéressante pour des enfants de ramasser leur toutou après. Ah, j'adore ça. Donc, c'est les Celestial Bodies. C'est des petits personnages de peluche basés sur les planètes de notre système solaire. Et on peut les ramasser dans le Black Hole, donc qu'on achète évidemment à part. Et on peut aller chercher les planètes dans le trou noir. C'est super cool! J'adore ça. Entre 22$ et 30$, celestialbodies.com. Vraiment très tentant comme cadeau pour de jeunes enfants. Ensuite, c'est un autre calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, on en parle pas mal à chaque semaine. Peut-être à l'année longue, quasiment. Oui, parce qu'on adore ça. Ben oui, c'est vraiment le fun. Donc, le Corgi Sock Advent Calendar, c'est pour les bas. C'est par la compagnie Drink by the Dram. Je viens d'avoir le prix. Ouais, attends, c'est pas la compagnie, en tout cas, peu importe la compagnie, là, ça s'appelle le Corgi Sock Advent Calendar, qui vous fait augmenter votre collection de bas, tiens. Donc, c'est un ensemble de 24 bas, bien sûr, pour les 24 jours avant Noël, 23 à thématique de Noël, en coton mélangé avec, par les spécialistes des pays de Galles, Corgi. Ça va jusqu'au du 1er au 23 décembre. Et le soir, la veille de Noël, les bas sont à la place faits d'un cachemire luxueux et d'un mélange de soie pour vraiment déballer ses cadeaux avec les pieds les plus confortables possibles. Donc, du 1er au 23, des bas normaux. Et le 24, bam, bas luxueux. Génial. Et ça coûte, oui, tu l'as dit, t'es impressionné par le prix, $475. C'est chez MrPorter.com. Hey, hein, t'es bas en cachemire, là. Ouais, c'est eux autres qui font augmenter la facture. Ils en valent une tonne. Mais les bas Corgi sont réputés quand même, mais pour vrai, c'est vraiment cher pour chaque bas, là. Mais ça revient quand même à la mode, en plus, cette fameuse mode des bas cute pour les hommes. Ouais. On va diviser 475 par 23, ça fait $20 par paire de bas, plus le dernier, aussi $20, mais j'essaie de... Ouais. Je vais faire diviser par 20. Mettons 45, la paire en cachemire. Au genre... Ensuite, allons-y avec, des plantes, c'est toujours le fun. Les plantes, ça aide à la purification de l'air, c'est ça? Mm-hmm. Bref, dans la nature, ça fait plein de choses. Alors voici le Airy Air Purifying Planter. C'est un pot de plantes qui non seulement nourrit les plantes avec ce qu'ils désirent, mais aussi est-ce que ça se débarrasse? Ça amplifie ton air. C'est ça, du dioxyde? Est-ce qu'on dit dioxyde de carbone? Si je me souviens bien, ouais. Oui. Donc, ça amplifie le pouvoir naturel des plantes de nettoyer l'air de ces polluants. Ça le fait jusqu'à 8 fois. Basé sur des études scientifiques de la NASA, exposer les racines et non les feuilles des plantes, certaines plantes qu'on a dans les maisons souvent, donc les exposer à l'air, ça va augmenter leur capacité à filtrer, absorber et neutraliser les particules particulières de l'air comme le benzène, toluène, formaldéhyde, ammoniac et plus. Le pot de plante donc fait ça en ventilant les racines via un pot innovateur. Bref. Et puis c'est ça, ça monte évidemment la plante au soleil, à l'eau. Et tout ça, et ça filtre votre air, parfait pour les salles à manger, les chambres à coucher, oui. Les salons et surtout les bureaux. On adore ça. Airy, A-I-R-Y, c'est sur Amazon.com. Ensuite, je me rappelle en avoir parlé déjà à la chronique, mais de l'avoir aussi rappelé comme ça, en bref, dans une précédente chronique cette année, que tu étais intrigué par ce produit. Donc, je me permets d'en reparler. D'accord. C'est le Side Sleep Boob Support Pillow pour ceux qui ont une poitrine. J'ai déjà parlé de ça. Je me rappelle de t'avoir, moi, parlé de ça dans la chronique, puis je n'avais pas les détails. Donc, les voilà. OK. Pour dormir. Merci, c'est si gentil. De toute façon, j'en ai pas assez pour pouvoir faire ça. Ah, mais les gens à la maison pourraient être intrigués. C'est dans le fond pour les personnes qui ont une trop grosse poitrine. Et vous dormez la nuit et vous êtes sur le côté et votre poitrine vous cause des douleurs. Voilà, ouais, c'est écrase. Donc, c'est une espèce de. Je dirais, on dirait une bouteille de shampoing, on va se le dire. Ça, c'est comme le truc du crayon, là. Tout le monde a déjà fait... Les femmes ont déjà fait ça, à un moment donné. Essayer de tenir un crayon seulement avec ses deux seins. Ouais. C'est un peu le même concept, en fait. Absolument, absolument. Mais avec un oreiller. C'est pas vraiment un oreiller, c'est comme un bout de je sais pas, c'est du silicone, je en fait. Je sais pas, hein, ça a vraiment pas l'air confortable, en fait. C'est fait pour les gens qui ont des poitrines C et plus. Mm-hmm. Hein, et ça aide, en fait, ça empêche les rides sur les seins. Avec utilisation répétée, c'est idéal pour les gens qui sont qui ont passé une chirurgie ou encore les femmes enceintes pour $60 canadiens. Donc ça ressemble comme genre à une bouteille de shampoing ou tu sais à des poids, des petits poids en caoutchouc, quelque chose comme ça. Donc ça va entre les deux seins. Pratique, $60. Ensuite, c'est une carte de Noël non émotionnelle pour ceux qui veulent célébrer Noël, qui veulent envoyer une carte par principe, mais qui ne veulent pas être trop sentimentaux. Oui, ou hein? Tu sais pas quoi offrir à un ami à Noël. Tu veux lui mettre de l'argent dans une carte, là? Mais tu veux pas avoir l'air trop genre « Ah, je t'aime tellement, tu es la meilleure personne au monde. » Bon, tu veux pas du cheesy, là? Non, exact. Genre « Tune de Noël » Quétainerie sans... Hey! Hein? Arrête de juger des tunes de Noël, Mathieu. Donc, il y a plusieurs scénarios pour y avoir besoin de cette carte de Noël, Non-Emotional Christmas Card, imprimée sur du gros carton, là. Ça vient avec une enveloppe verte avec un petit, tu sais, le petit truc collé là, pour que tu puisses déchirer, là, c'est super cool. Et ça dit, bon, à la place d'avoir, d'avoir le texte passé donc joyeux Noël, quelque chose comme ça, ça dit Have a Christmas. Et un Noël, passe un Noël. C'est génial. Un voyage de 6 cartes pour 19$ américains. Ensuite, un adaptateur pour l'iPhone 7. Vous savez que l'iPhone 7, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous mettre au courant qu'il n'y a plus de prise écouteur. Bon. Et si vous voulez avoir la prise écouteur, il faut l'adaptateur. Sauf que si vous prenez l'adaptateur qui vient dans avec votre téléphone, vous ne pouvez plus charger en même temps. Ah, c'est faire donc même mal fait. Un ou l'autre. Il y a d'autres compagnies qui ont sorti évidemment des adaptateurs pour compenser pour ça. Mais celui-là est quand même bien parce que c'est un adaptateur en forme de T. Donc il va un peu comme il va dans la prise Lightning de votre iPhone et les prises sortent sur les côtés pour pas ajouter dans l'épaisseur trop. Alors une fois que c'est rentré dans le téléphone, ça vient comme embrasser le téléphone. Comme maman qui a embrassé le Père Noël. Waouh, c'est de la poésie ce matin, Mathieu. René Simard. C'est aussi bon que Marie-Ève Roy hier dans l'émission. Oui, pour les comparaisons, les paroles sages. Exact. Bref, l'appareil a même ce qu'on appelle un Digital to Analog Converter, un DAC, donc qui va amplifier les fréquences ou blablabla, peu importe les termes techniques. C'est tout petit, tout mignon. Pour vrai, on voit la personne le prendre dans sa main, dans la photo en bas de l'article. C'est tout petit, ça fait même pas la largeur de votre iPhone, là. Et ça fonctionne avec l'esthétique de votre téléphone parce que c'est disponible dans les mêmes couleurs que l'iPhone 7. 13$ pour un adaptateur, c'est vraiment pas trop cher. Et le Kickstarter a déjà ramassé son argent. Par contre, et là, ça, c'est vraiment ce qui vient comme défaire le principe de la chose. Oh non. Le shipping va seulement être en juin prochain. Ooh. 2017. C'est beaucoup trop tard. Triste. Surtout que l'iPhone 8 va sortir 2 mois après. Ouais, mais tu sais, quand tu y penses, là, ouais. Apple l'ont pas fait. Non. Fait qu'attends jusqu'à juin. C'est vrai. Mais il y a d'autres compagnies qui en ont fait, qui sont peut-être pas aussi beaux que ça, mais bon, que vous allez pouvoir avoir maintenant si vous avez un iPhone 8. Bref, ensuite, tu sais, des fois, on dit, bon, on a déjà parlé de gadget pour tester son sang par rapport au diabète. On a déjà testé, on a eu des tests d'alcool de différentes façons dans cette chronique-ci. Maintenant, c'est le testeur de votre sperme. Pour les hommes, évidemment. Oui, évidemment. Ça s'appelle le YouSperm Test, qui permet de voir le nombre de petits nageurs que vous avez à l'intérieur de vous en utilisant une application et une clip avec un mini-microscope à l'intérieur. C'est capable d'analyser votre échantillon en quelques minutes, vous donnant une vue de votre nombre de sperme. Et ça vous affiche quelques résultats drôles quand ça vous le dit, un peu comme une Magic 8 Ball. C'est développé par une compagnie d'analyse de sperme commerciale. Qui est 97% précise et ça s'attache à l'appareil que vous utilisez déjà pour d'autres choses, votre téléphone. Est-ce que ça va pouvoir te donner, mettons, le fait si tu peux avoir un enfant ou non? Ah, ça, je penserais pas. Peut-être, on va aller voir sur le site. Est-ce que tu sais, il y a des tests comme ça pour les femmes où tu vas avoir justement le niveau d'ovulation, ouais. Tout ça. Est-ce que c'est un peu la même chose, mais pour l'homme? Parce que ça serait vraiment cool de finalement penser à l'homme dans c'est tout ça. Ça dit de seulement voir vos petits nageurs en action. Ça utilise la lumière de votre caméra vidéo. Ah, non, finalement, c'est juste pour te filmer. Ben, tu sais, le résultat donne genre un paquet de bébites sur ton écran, tu sais, pour vous montrer le nombre de petits nageurs dans votre. Ouais, c'est spécial, hein. Mais non, c'est ça parle de dégâts. C'est comme prendre un selfie de. Ah, c'est dégueulasse, ouais. Finalement. Ouais, c'est pas un testeur, là. C'est une caméra, genre. Ouais. À spermatozoïde. Genre. Ça dit, bon, mettons, il va y avoir des petits messages comme par exemple moderate to normal MSC range, donc t'es dans la t'es modéré, t'es moyen, t'es dans la moyenne des gens. Ok, tu vas pas avoir ton range c'est de... ça, okay. Par rapport aux autres, au moins. Ça revient un petit peu à l'affaire que je te disais de savoir si pour une femme l'ovulation est à son pic ou non. Et on voit que leur site web a des littéralement des nageurs de calibre olympique dessus. J'aimerais ça voir Michael Phelps s'associer ouais. À ça. Ah, ça c'est un porte-parole incroyable. Exactement. Wow. Ou l'autre là, qui s'est fait supposément agresser. Oh mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Oui, exact. Genre quelqu'un de pas crédible. Le roux, il était roux lui. Hein? Je sais pas, je pense à pas. À Rio, me semble. À Rio? Ensuite, on va boire un peu avec du matcha. T'aimes les thés? Je sais que t'en bois fréquemment des thés. Je te vois faire, je te regarde, je te surveille. Oui. Est-ce que t'aimes les matchas? Oui. J'aime beaucoup, excusez, je cherchais sur ouais, pour voir les photos Google. De Red Lock Tea, évidemment. Donc, c'est une bonne alternative au café, nous dit-on. Ça donne un boost d'énergie comparable, mais sans le tremblement et tout ça. Ça a le bonus de fournir des antioxydants et d'améliorer votre métabolisme, nous dit-on. Donc, le Panati, c'est un jeu de mots avec Panati et Panacée, Panacée, j'imagine. Ah, peut-être, probablement. Panati, ouais, sûrement. Ou Aiden Panettiere. Aiden Panettiere. Peut-être, non. Bref, Instant Matcha, c'est une façon parfaite de savourer cette source d'énergie verte sur la route, sur le pouce. C'est fait de matcha thé vert japonais en poudre premium. Ça se dissout instantanément dans l'eau chaude ou l'eau froide. Donc c'est idéal pour ceux qui n'ont pas le temps d'attendre que le thé fasse son action dans l'eau. Voilà. Très cool. Ouais. Ensuite, c'est un livre de notes intelligent qu'on peut effacer au micro-ondes. Wow! Ah. Pour ceux qui veulent que tout devienne un gadget, même leur carnet de notes écrit papier, là. Ça s'appelle le Rocketbook Wave Smart Notebook, qui pourrait être le lien entre les deux mondes, le numérique et le papier. Vous prenez vos notes sur le carnet avec un crayon Pilot Friction, c'est une sorte de crayon de la compagnie Pilot. Tout le monde avait ça quand on était au primaire puis au secondaire. Je me rappelle pas des frictions, ah ouais? Ouais. C'est parce que tu pouvais effacer avec le bout. La petite efface beaucoup trop petite qui cassait après deux trois épisodes. Exactement, c'est exactement celui-là, Mathieu. Je m'en souviens maintenant. Donc, ça vous permet d'utiliser l'application pour configurer où vous voudriez que la photo s'en aille après avoir pris une photo. OK. Donc, tu vas envoyer la photo par courriel, par exemple, peu importe, et tu vas pouvoir la voir sur le web. Après avoir fait ça, tu mets le carnet au complet dans le micro-ondes ou encore, tu peux utiliser un séchoir avec beaucoup de chaleur et l'encre va être effacée. Tu peux réutiliser le carnet de nouveau. En plus, c'est sûr que, tu sais, l'idée de le mettre en numérique est parfaite parce que ça se garde pour toujours. Et le fait de l'écrire à la main, tu sais que c'est prouvé, genre, psychologiquement, que tu vas retenir mieux si tu l'écris à la main. C'est vrai, on avait déjà discuté de ça. Donc, que davantage, le Rocketbook Wave est sur Amazon pour 27 $ US et pourrait vous permettre de mieux vous organiser. Ensuite, celui-là, c'est complètement stupide, mais en même temps... c'est tellement ton genre, ça. C'est vraiment mon genre, j'en veux une, c'est super beau. Alors, c'est une horloge. Une horloge numérique qui affiche l'heure, bien sûr, mais juste l'heure, là, pas de météo, pas de flafla comme ça. Exact. Et ce qui est le fun, c'est que les chiffres tombent du haut de l'écran comme des Tetris. Donc le 5 ou le 3 ou peu importe va tomber morceau par morceau. Et tu vois en plus qu'ils utilisent tous les morceaux, que ce soit les barres, les S, les L, les J, peu importe. Mm-hmm. Donnez un petit peu de geekerie à votre chambre à coucher, inspiré par le jeu classique pour, en dollars canadiens, 182,85 $. Quand même dispendieux, hein, pour très cher. On va laisser faire. Ouais, laissez faire ça. Ensuite, t'as toujours rêvé, quand tu te sens mal dans la vie et t'as besoin de crème glacée. Ouais, ça arrive. C'est assez difficile quand t'es intolérant au lactose, je vais t'avouer. Il y a de la crème glacée sans lactose, Tania, voyons. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est la meilleure chose au monde. Du goût glacé. Sinon, je crave souvent du sorbet. Ah, du sorbet? Ouais. Ah, parle pas de sorbet, j'aime tellement ça. Oh, je suis désolée. Bref, pour ceux qui sont capables de tolérer la crème glacée en tant que telle classique, c'est le Instant Ice Cream Maker pour faire de la crème glacée instantanée. Tu veux pas aller au magasin quand t'es triste, là. Parce que ça va te rendre encore plus triste. Exactement. T'sais? Tu veux pas sortir quand t'es triste pour... Non, en pyjama, voyons de quoi tu vas avoir l'air avec tes jogging, c'est ça. C'est ça. Tu restes chez vous avec Netflix pis les Gilmore Girls. Oui! Bon. Donc, en suivant une simple recette, vous allez pouvoir placer le mélange sur la surface à congélation rapide de ce gadget-là. Et ça va faire, avec la spatule fournie, vous allez pouvoir gratter le fond de l'assiette et ça va être de la crème glacée instantanément. Délicieuse apparemment pour 67,96 $. Tu sais, quand on était jeune fille, ben peut-être pas toi, là, oui, mais quand j'étais plusieurs... jeune fille. Il y a plusieurs jeunes filles qui avaient les fameux petits fours à faire des mini gâteaux, à faire des mini biscuits. Les mini bake oven. Exactement, ouais. On dirait exactement ça, mais pour de la crème glacée, en fait, parce que les spatules sont vraiment très colorées, tout est coloré. Tu peux avoir comme le format bleu, le format rose, le format jaune. On dirait vraiment que c'est ça, en fait. Mais je peux te confirmer que ce n'est pas de la même compagnie. Non, c'est le Chef & Sweet Spot Instant Ice Cream Maker. Non, on aime ça pas. Il l'a en plusieurs couleurs, dont le Lagoon, celui qui est sur Amazon en ce moment. T'as-tu des complications avec ta mousse de micro? Est-ce que ça a apparu en onde? Mais non. Voilà. À part quand j'ai fait... Attends. C'est ce qu'il faut comprendre que présentement, la mousse de micro à Mathieu ne ressemble même plus. Elle est dans une situation précaire. Exactement, comme elle est sur ses derniers jours. Là. Oui, et c'est pour ça que j'ai dans ma liste sur Amazon.ca un emballage de nouvelle mousse. Exact. Il ne me reste que faire recevoir mon salaire et ensuite faire bye. Ensuite. Juste ça. Salutations à la direction de la vie longue entre deux pains. Un crayon maintenant qui va calculer les dimensions des choses. Oh, ça, j'aime ça. Pour instantanément et précisément capturer les dimensions de n'importe quel objet avec cet outil qu'on appelle le Dimensioning Instrument. Un côté est un crayon. OK. Comme la normale le veut. Et de l'autre côté, c'est un genre de bout de caoutchouc cylindrique. Quasiment laser. Laser. Ouais. Tu fais tourner ton crayon sur la surface, mettons sur la table, peu importe, et tu vas pouvoir calculer la distance d'un bout du roulement à l'autre. J'adore ça parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec les distances ou tout ce qui est... Tu sais, comme par exemple la table du studio présentement, je pourrais pas te dire combien qu'elle fait de long. Absolument pas, moi non plus. J'aurais estimé 2 mètres, mais j'en ai aucune idée. Tu sais, moi, dans ma vie, je calcule tout à soit 10 cm. Oui. Ce qui était un décimètre quand j'allais au primaire. C'est encore un décimètre. Okay. Personne ne dit jamais ça. C'est ça, exactement. Tu sais, tu dis pas 10 décimètres personne. Dans l'île. Puis sinon, je calcule en mètres aussi. Oui. Tout dans ma tête est un mètre. Mettons, quand tu chats Tinder puis que le gars dit qu'il fait 6 pieds 4, là, fallait que tu sortes le crayon, tu mets à terre. Non, tu roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, roules, pour voir si c'est vrai exactement. J'ai de la difficulté avec ça aussi. Je sais même pas combien je mesure. Ah non? Non? 5 pieds 4. 5 pieds 4 à peu près, hein? Genre. Non? C'est ma mère qui me dit ça. Ah oui, ouais, ouais. Bon. Mais c'est bon. Salutations. Félicitations, madame, que je me rappelle jamais son nom. Sylvie? Ben oui, Sylvie. Voyons, elle va être contente. On l'a saluée à matin. Roule, roule, roule, Sylvie. C'est... c'est le Snap Power. C'est une plaque pour aller par-dessus vos prises de courant. Okay? Ça, on adore ça. On adore ça, les plaques de même. Des fois, on aime ça acheter des prises USB, quelque chose comme ça. Mais quand on a des enfants, disons... Hein? C'est tellement pratique. C'est tellement pratique, celui-là, parce que ça cache vos prises de courant. Et en plus, il y a une lumière de nuit, une nightlight, une veilleuse dedans. C'est vraiment cool. Donc, la lumière qui permet à la luminosité d'être ajustée sur ce modèle-là. On peut le mettre à high, low, off et automatique. Toutes les prises de Snap Power se couvrent un peu comme... je sais pas comment est-ce que je pourrais expliquer ça, mais c'est comme une petite porte de plastique par-dessus, tu sais, de la dimension de la prise. Et quand tu branches dedans, tu as juste à brancher, tasser et peser. Et ça va faire rentrer dans le truc. C'est difficile à décrire comme ça pour les gens qui sont plus visuels. Mais c'est disponible pour 17$ pour un et 140$ pour un emballage de 10 américains sur snappower.com. Donc, lumière veilleuse. Et la veilleuse sort du dessous de la plaque. Oui. C'est pas une lumière qui pointe vers le devant, ça pointe vers le bas. Et c'est LED, donc ça prend quand même de la superficie pour vous éclairer une bonne partie de votre plancher. C'est super cute. C'est vraiment cool, on adore. Ouais. Ensuite, c'est le Remarkable. C'est une tablette dédiée à la lecture. Tu sais, on dit que lire sur un téléphone ou sur un iPad, c'est pas bon pour les yeux. Ah ouais? Ouais. À cause de la lumière, évidemment. À cause de la lumière et le fait que c'est un écran. Alors que, mettons, le Kindle, qui est fait avec de l'encre électronique, c'est comme lire du papier. C'est bien moins mauvais pour tes yeux. Oh, je ne savais pas. Voilà. Donc, maintenant, c'est le Remarkable, qui est une tablette dédiée pour la lecture, l'écriture et le dessin. Oh, ça, c'est cool. Donc, ça ressemble à un Kindle ou à n'importe quel autre livre électronique, mais c'en est pas un. Le Remarkable est une tablette spécialement faite pour ce que je viens de mentionner. Donc, c'est une tablette Android ou même... Non, attends un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est tout ça? C'est pas précisé. Donc, c'est pas précisé. Donc, ça utilise la technologie du Canvas pour créer un écran à encre électronique de 10,3 pouces de diagonale avec une ultra-low latence. Latence, là, c'est comme sur un Kindle quand tu changes de page. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ça non. Prend un petit bout de... Ben, les anciens modèles. Ça prend un petit bout de temps pour réactualiser l'encre électronique. OK, ouais. Parce que l'encre électronique, c'est comme... ça prend pas de pile partout. Là, c'est comme... tu pourrais le laisser allumer... Mille ans. Pas longtemps, ouais. Ben, peut-être pas, mais en tout cas... C'est quoi? C'est magnétique? Oh, je sais pas, la technologie vient d'où? Bonne question. Mais quand tu changes de page, il faut que ça réactualise les... ça me fait penser au fameux tableau qu'on avait, tu sais, avec deux boutons dans le temps. Là. Ça ressemble effectivement à ça. Aujourd'hui, tout me fait penser à quelque chose de fait trop. Non, non, mais t'as raison. Pour vrai, c'est, la technologie est tellement... L'avance. C'est un cercle, exactement. Ça me rappelle, tu sais, le vieux Game Boy en genre de sable jaune et vert, oui, tu sais, dans oh le temps. Oh, mon Dieu. Ça a évolué, c'est devenu la couleur. Là, les Kindle et les encres électroniques, c'est en noir et blanc, super old school. Mais éventuellement, ça va devenir plus beau, ça. Bref, 10,3 pouces de diagonale. T'as l'impression d'écrire sur du papier quand tu dessines ou écris dessus. Et tout ça sans la distraction des applications de ta tablette. Donc, allez voir la démonstration en vidéo sur assemblagerequis.com. 8 GB de RAM, on peut mettre 100 000 pages dedans et on peut lire à l'extérieur parce que c'est ça l'encre électronique comme les Kindle. Tu peux lire à l'extérieur sans aucun problème comme un livre. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut enregistrer ce qu'on écrit? C'est ça, exactement. Tu peux emmagasiner 100 000 pages à l'intérieur de la machine. Ça a vraiment l'air d'être le même système. Tu sais, on avait aussi les palettes là, avec un petit crayon. Là. Oui. Ça partait jamais, là, ça, après comme 14 ans. C'était supposé, mais ouais. Exactement, mais ça partait pas. T'sais, tu faisais un dessin, tu le laissais là 3 heures, tu revenais, tu pouvais plus l'effacer. Ça a l'air d'être exactement la même chose quand tu écris sur la tablette. Ouais, ça pourrait même te rappeler des souvenirs de ça. Probablement. Leur slogan, c'est Better Paper, Better Thinking, donc un meilleur papier pour mieux penser. Et ça va commencer à être envoyé l'été prochain. Disponible en précommande pour quand même 380$ US sur getremarkable.com. Pas si pire! J'adore l'idée, j'adore ça. Oui, vraiment. Moi aussi. Ensuite, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Tu connais. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un énorme portefeuille. Nous, c'est fou, c'est bien sûr David Ferron. Oui. Que son portefeuille, c'est probablement un décimètre. D'épaisseur. Si d'épaisseur. C'est incroyable, je comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, en fait, je comprends pas comment les hommes vous faites pour porter ça sur vos fesses à longueur de journée. Ben, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai acheté il y a quelques années, vraiment longtemps, un portefeuille en parachute. Oh mon Dieu, il est donc bien petit, Mathieu. Il est tout mince et je le mets sur la poche de côté. Ça prend même pas, je dirais, un centimètre d'épaisseur. Mais ça te gosse pas d'avoir quelque chose dans la poche? Tu sens pas, il est tellement petit. Tu sens pas. Bref. C'est ce que je préfère. C'est vraiment cool. C'est de la compagnie Wallet, W-A-L, trait d'union E-T, comme dans Wallet, mais sans le... Attends un peu. Wallet. Wallet, mais sans deux L. C'est Wallet sans les fesses, genre. Attends un peu. Je vais chercher, je vais vous le dire tantôt. Mais celui-là, c'est le Memory Foam Wallet. C'est un portefeuille en mousse mémoire. Hein? Okay. Comme son nom le suggère, c'est de la mousse mémoire à l'extérieur pour augmenter le confort pendant que vous êtes assis dessus sans vous faire de mal. Parce que c'est de la mousse mémoire, 1/8 de pouce de mousse mémoire. Et à l'intérieur, tu as 6 pochettes pour les cartes. Tu peux en mettre jusqu'à 14 à l'intérieur de ces 6 pochettes-là. Tu as aussi un compartiment pour les billets d'argent. C'est aussi lavable à la machine. Pas à la machine? Oui, à la machine, sans les cartes, bien sûr. Pour 25$ sur Amazon, c'est quand même pas pire. Quand même. Je trouve. Ouais, je cherche encore mon stupide portefeuille. En tout cas. Ensuite, je vous le trouve puis je vous le mets sur Internet tout à l'heure. Tiens, une façon de barrer son alcool. Oh. On a déjà parlé de genre de peau à biscuit pour, avec un petit système de protection. Oui. Dans ce cas-ci, c'est pour votre alcool. Tu sais, si vous êtes en colocation avec des gens que vous ne connaissez pas, parce que tu sais, il y en a, tu vas aller en colocation, tu les connais, c'est beau, c'est correct, tu sais, un verre, on... capotera pas. Ouais. Mais si tu connais pas la personne avec qui tu vis, déjà par toi, c'est bizarre, je trouve, mais ça arrive. Genre. Donc c'est ça, c'est comme un petit bouchon que tu mets par-dessus ton, ta bouteille et il y a une clé qui vient avec. C'est tout simple. C'est vraiment simple. Pas de colle à retenir, rien. Ça va par-dessus le bouchon et problème réglé. Voilà. Et justement, parlant de vin, c'est le Coravin Model 1 and 2. Alors, on a déjà parlé un petit peu, je me rappelle d'avoir parlé de ça. C'était une bouteille, un gadget qui permettait de récupérer le vin dans la bouteille sans débouchonner la bouteille de vin. Mais voyons donc. Tu t'appelles pas? Non. Donc le Coravin qui permet d'entrer dans la bouteille sans l'ouvrir et ça empêche l'oxydation d'entrer dans la bouteille. Oui, de oui, faire oui. L'oxydation, bref. Donc le nouveau Model 1 fait la même chose, mais pour moins cher. C'est fait de plastique ABS et de caoutchouc synthétique. Sinon, ça utilise la même aiguille d'acier inoxydable garnie de téflon pour passer à travers le liège et verser le vin. Alors que le Model 2, lui, a un corps complètement en métal et c'est plus mince. Et ça permet de verser 20% plus rapidement. Les aiguilles sont assez minces pour passer dans le liège et ensuite se refermer naturellement. Le liège va reprendre sa forme. C'est ce que ça fait du liège. Les deux modèles ont des cartouches d'argon pressurisées, ce qui est parfait pour verser 15 fois 5 onces. Et ça remplit l'espace nouvellement créé dans la bouteille de gaz pour garder le vin aussi frais qu'une nouvelle bouteille qui n'a pas été touchée. C'est hot, hein? Mm-hmm. Donc le Model 2 Elite vient en rouge pompier, en doré et en argenté. On peut aller voir des photos sur assemblagerequis.com. Par contre, ça coûte plus cher. Là, on monte à 50$. C'est pas plus cher pour une bouteille de vin. Non, c'est vrai. Comme on dit. T'en as pas déjà un dans... Ouais, je sais chercher quelque chose de plus ici dans la discothèque de ces filles. Je me demandais. Merci de... Ça fait plaisir. D'être encore plus transparente que moi, Tania. T'es fine. Mathieu fait ça de façon subtile. Moi, je le crie c'est à ça. La radio. Ça allait très bien jusqu'à ce que t'en parles. Mais oui, mais de toute façon, les gens en Asie avec la caméra 3, t'aurais les pu nazis. J'ai pas dit les nazis. Non, la raison que je cherchais un CD, c'est que pour terminer la chronique, j'aimerais ça entendre du rouge pompier, parce qu'on vient de parler de la couleur ben rouge oui. pompier. Donc, les voici avec Mercredi à Assemblage Rocky. Des fois, t'as l'air intéressé. Des fois, t'as l'air de t'amuser. Des fois, tu me regardes croche. Des traces de bouffe d'en face. C'est-tu parce que t'es conne que tu catches pas mes farces? Je sais que t'as juste 3 ans et demi! C'est pas une raison pour te décevoir! Ton père qui aimait un standard. Mais semble que t'es pas super vite. Mais semble que tu conjugues mal. Doc, docteur Dougui à ton âge avait un diplôme musical. J't'en droit de te trouver un peu slow. Lancer des cailloux, c'est pas normal. Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? Tu perdrais ma montagne. C'est moi qui paye ta garderie. Hey! Je sais pas pourquoi tu ris. J'ai des attentes, c'est important. Même si ton nom c'est mercredi. Dans ma tête existe. Ça me donne le droit de faire exprès pour être un peu nono avant que tu sois vrai. Puis que ton papa soit un idiot. T'as-tu compris? Il y a juste 3 ans et demi. Oui! Hein? Moi, je la trouve tellement drôle, cette chanson. Eh hey, bon. Rouge Pompier. Maintenant, on prend une pause. Au retour, plus de sexe où ça ne devrait pas l'être. Plus tard, Gabriel Béo de la chronique dans les coulisses de la huître. Restez là. Assemblage Reiki sur les ondes de Cifou 89.1 FM avec Mathieu Plante. C'est Talia Bonin, on a plein de plaisir ce matin, comme toujours. Oh que oui. Ah, maintenant, c'est le moment de retourner à ce qu'on faisait tantôt, c'est-à-dire dépenser notre argent. Ce que Mathieu fait le mieux. Non, je sais, je sais. C'est ça, ici, ça ne devrait pas là. Ça existe, ça ne répond là. La chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. On commence avec du pain. Du pain, c'est toujours bon, du pain? C'est tout en pont. Tout le temps bon. Tout en pont. C'est tout en pont. Pain, pain, pain, pain, son de pain, pain. Son de pain, pain, pain, pain, pompier. Et t'avais l'air d'abandonner dans le milieu. Oh, ben. Ouais, je sais. Donc, ça s'appelle le fourneau bread oven. Pas de H. Fourneau, pas porno. Tania. Fourneau bread. J'ai jamais dit ça en nombre, voyons. C'est un four pour le pain, donc qui a déjà été vieilli. C'est un four de fer qui glisse dans votre four normal, votre fourneau, et ça vous permet de faire du pain d'artisan, des pizzas, des calzones peut-être dans votre propre cuisine. Donc vous placez le fourneau dans le fourneau, c'est un peu mêlant en français, hein. Vous le préchauffez pendant que vous préparez votre recette de pain préférée. Vous placez ça sur une planche de bois qui est incluse avec l'ensemble. Et vous fermez la porte devant du fourneau, le petit fourneau dans le fourneau. Et la porte du grand fourneau à l'extérieur du fourneau dans le fourneau. Après le fourneau. Mm-hmm. Et ça va s'assurer que la pâte soit bien réchauffée de tous les côtés dans la boîte. Et ça va faire que la vapeur va faire du bon pain qui va bien lever. La façon parfaite d'avoir une croûte dorée à chaque fois dans votre fourneau. C'est malade. Allez voir la vidéo. C'est fourneau F-O-U-R-N-E-A-U Bread Oven sur Kickstarter. Non? Mm-hmm. T'as pas l'air sûr? Oui. Ça a l'air fantastique, je trouve. Ça a l'air vraiment cool. Génial. Ensuite, on reste dans le grill, dans tout ce qui est chaud. C'est le Grill Tumbler Basket pour faire rouler votre viande et vos légumes, que ce soit dans un barbecue l'été ou même un barbecue sur le balcon l'hiver, là, quand on fait barbecue, je pense, l'hiver. Oui, oui. Donc, c'est pour faire tourner vos légumes et votre viande pour pouvoir faire cuire tous les côtés comme il faut, mais sans avoir à utiliser une spatule virée à la main. C'est vraiment une cage, comme un manège. Souvent, ce qui va être le fun, c'est que le gras va tout couler. Ah, ben, mais hein, absolument. Mm-hmm. Que d'avantage. Donc, faites vos shish kebabs ou peu importe avec le Grill Tumbler de la compagnie Brookstone. C'est donc un panier amusant, novateur, qui permet de faire rouler votre viande et vos légumes sur, sur la grille ou sur le grill. Ça inclut aussi un petit tray, là, un petit socle, pas un petit, une petite plaquette à marinade. Vous pouvez faire tremper le panier au complet dans la marinade avant de l'envoyer sur le barbecue. Ça empêche de coller sur les côtés aussi. Et puis les paniers sont en silicone pour être faciles à prendre et à virer. Et il y a assez de surface dans le panier pour s'assurer d'avoir exactement le bon et la bonne noirceur, tu sais, le petit brûlé, hein, mm-hmm, qu'on aime tant de tous les côtés. C'est fantastique, encore une fois. Quelle bonne idée. Ensuite, des fois, ça peut arriver que tu as la difficulté à respirer et ça peut te faire mourir. Oui, mon Dieu, OK. Oui, il y a des gens qui ont... Toi, tu ne vas pas au dos de la cuillère ce matin. Ben non, mais c'est tu peux mourir. La technique québécoise. Oui, c'est ça. Donc, c'est un système de respiration d'urgence pour sauver la vie de gens. C'est fait pour entre autres, quand vous avez peut-être, il y a un feu chez vous et vous avez de la difficulté à respirer parce qu'il y a de la fumée ou je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Ça va filtrer les substances chimiques. Ça va enlever le monoxyde de carbone jusqu'à 5 minutes de temps. Donc, l'Emergency Breathing System, ça s'appelle le SAVER. C'est 100$ canadien. Pour utilisation, ça a été conçu par un pompier, hein? Oh, ah, oui. Ah, oui. Eh bien, cool. Il s'est basé sur les masques que les pompiers utilisent, en fait. Ça a du sens, et la forme du nez dedans. Ça ressemble un petit peu à une poivrière, je dirais. Aussi. Si on veut. Et puis, tu as le nez, puis tu peux comme respirer dans le nez de plastique. Voilà. Ensuite, tiens, on revient à la nourriture un peu. Est-ce que t'aimes le fromage genre Cheese Whiz? C'est un peu dégueulasse, hein? Ouais, ça dépend, mettons. Le fromage Tostitos à la peigno, là, orange, là. Ça, c'est bon. Piquant, là. Ouais. C'est comme un Cheese Whiz fancy, ça. Miam, ouais. Miam, miam. Bref, pour ceux qui aiment le genre de Cheese Whiz, c'est c'est comme un fusil à mono. Tu sais, le mono, là, pour les tours de bain. Oui, bon. Ou les tours de fenêtre. Tours de fenêtre, exactement. Quand le froid commence à... C'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines. Exactement. Je étant mon père, parce que je fais pas ça. C'est ben trop manuel pour moi. Donc, c'est le Hot Glue Gun pour le fromage. OK. Wow. Ça s'appelle le Fun Doodler, qui permet de faire fondre le fromage et le sortir de n'importe quel... de l'orifice du truc, là. C'est la combinaison de fondu et de doodle. Doodle comme dans dessiner, hein? Mm-hmm. Tu sais? Et fondu comme dans genre fondu qui veut dire fondu, on s'entend? Fromage fondu, fait que ça a du sens. Fun doodle, hein? Pas super? Fun doodler. Pas fou. On peut utiliser ça pour décorer des plats. Je sais pas quel plat tu décorerais de fromage fondu. Évidemment, faire le contour de ton bain, si tu veux... Ah, ben oui, tu sais. Vraiment, si t'as rien d'autre. À faire. et dessiner en fromage. Le fromage va être chaud, bien sûr. Ça fonctionne avec n'importe quel type de fromage qu'ils font. Que ce soit du fromage process, comme le Cheese Whiz, ou du bon vieux fromage vieilli, mm-hmm, cheddar fort, gouda. 25$ US. Le gars, là, en tout cas la personne, fait un château de biscuits soda avec, comme joint, le fromage fondant chaud. Ça fait une petite structure pour les enfants, c'est cool, tu sais, jouer avec la nourriture. Wow. Pour vrai! Sur des craquelins. Ben c'est ça, on apprend aux jeunes à jouer avec leur nourriture maintenant. C'est ça, ils font même un château, c'est incroyable. Mais tout le temps avec des biscuits, c'est le fun. Ensuite, tiens, un bateau dans une bouteille. Mm-hmm. Est-ce que t'as toujours été impressionné par ça? Est-ce que ça te... Quand même, ouais. Ça te passionne? Ça me passionne pas, non, mais... T'as jamais voulu en ça faire, ça m'a toujours intrigué. Mais on sait que l'alcool aussi, c'est quelque chose que tu as quand même toujours apprécié. Il m'a toujours intrigué. Combinons les deux ensemble, un bateau dans une bouteille et en plus un décanteur à vin. Oh, hein? D'accord. Génial. Donc, c'est ça, c'est tout simple. Ça s'appelle le Prestige Decanters Constellation 1797. Donc, c'est une bouteille pour alcool, spiritueux, vin, peu importe. C'est un décanteur et en plus, c'est un fût. Un fût avec un bouchon, un truc comme un robinet. Oui. Pour faire descendre ton alcool. Ça vient, donc c'est fait en verre et ça a été soufflé à la main. Peut-être pas le bateau, hein, dedans. Ouais. Bref, c'est du verre sans plomb, borosilicate quelque chose, et une base en bois. Donc il y a vraiment une base en vrai bois. Et okay, tout ça est scellé et à l'épreuve des dégâts et ça fera pas pourrir votre bois parce qu'il y a eu de l'alcool dessus, rien, parce que le fût est tout à fait scellé, tout ça. Hein? On peut mettre jusqu'à 1150 ml d'alcool et ça va vous coûter 120 $ américains. Allez voir les photos, c'est quand même joli. Ça fait très salon de cigares, quelque chose comme ça. Oui, ouais, c'est vrai. Dans une maison vieillotte un petit peu, ça pourrait être très, très bon. Un chalet. Ouais. Ensuite, il me semble avoir déjà glissé un mot en bref sur celui-là, mais ici on a plus de détails. C'est le célèbre nuage qui flotte dans les airs, qui est aussi votre cloud informatique. Hein? Mm-hmm. Donc c'est le Floating Cloud Display par Crealev, développé par Richard Clarkson Studio. C'est un projet donc, de nuages lévitants qui combine une technologie de lévitation avec la beauté des nuages. Donc c'est leur première collaboration, ça s'appelle Making Weather. Ça vient avec le nuage et la base. Les deux morceaux ont des aimants dedans, ce qui force le nuage à rester dans les airs environ 1 à 2 pouces de la base. Et ça produit un affichage relaxant. Et puis ça va vous faire parler tout le temps, tout le monde autour de vous. Un affichage, ça dit pas quel genre d'affichage? Quand j'ai dit détails... Je sais pas, hein? J'aimerais des détails, s'il vous plaît. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Attends un petit peu. Il y a une petite vidéo. Ah, vidéo sur Vimeo. On va aller voir ça. C'est important là, d'être au courant de ce qu'on veut acheter. Là. C'est créer des besoins. Donc, le nuage, dans le fond, la personne arrive et le monsieur fait un petit mouvement au-dessus du nuage. Et là, il y a une lumière colorée qui commence à se faire aller. Là, on la voit mauve, on la voit orange. Et j'imagine que la lumière mauve elle représente les éclairs, peut-être, qu'il fait dehors, quelque chose comme ça, peut-être. Ça pourrait être ça. Probablement. J'imagine que s'il fait beau, c'est d'autres couleurs. Donc les lumières LED flashent et il y a un miroir en dessous de la base pour faire refléter la lumière et le nuage. Donc là, on voit qu'il fait super beau. Fait que ça doit pas être les éclairs. Hein? Et il y a une petite télécommande, OK. Ça peut jouer de la musique. Quand même. OK. Ouais. Ça défie la gravité, mais l'affichage, je ne comprends pas nécessairement le mot affichage. Attends. Non, ça fonctionne par une batterie au lithium-ion. Et il y a un haut-parleur Bluetooth à l'intérieur et des lumières LED qui réagissent au son. Voilà, donc ça réagit au son. Ça joue de la musique, il y a des lumières qui vont flasher. Woohoo! C'est juste fait pour être beau. C'est ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est comme un bibelot. Non, c'est un peu niaiseux. Ensuite, on a parlé tantôt de cartes de Noël avec Have a Christmas au lieu de Have a Merry Christmas pour être le plus soft, sobre possible. Et ici, c'est la carte de Noël musicale sans fin. Pour donner la joie aux gens. Tu sais, Tania, tu animes une nouvelle émission avec de la musique de Noël. Oui, qui s'appelle à partir de 14h aujourd'hui. Oui, les mercredis, en route pour Noël. Exactement. En remplacement d'En Piste avec Tania Baudin. Oui, ben oui. Donc, on partait de la même thématique dans le style de titre d'émission. C'est ça, si on veut. Donc, c'est une carte musicale de Noël qui va faire aller une chanson les plus cheesy, j'imagine. Et ça va jouer ce jingle-là pendant plusieurs heures. Et ça va juste augmenter le volume plus tu essaies de l'arrêter. Et ça va même vous faire tomber une grosse glitter bomb, une bombe de brillants. Si vous essayez de la déchirer, ça coûte 20 $ canadiens. Mais j'imagine en plus, ça chante I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Parce que le dessus de la carte, c'est Wishing you a Merry Christmas and a very happy new year. Ah, le classique, hein? On va retourner à l'alcool, tu sais. Ouais, pour, bonne idée. Passer à autre chose de ces musiques-là qui me tapent donc sur les nerfs. C'est des Edible Candy Cane Shot Glasses. C'est des verres qui sont faits en canne de bonbons. Oh mon Dieu, que ça doit être sucré. Mangeable, tout et tout. Donc, c'est des verres festifs, des petits verres à shooter. 1,76 onces. C'est fait entièrement de délicieuses cannes de bonbons qui ont été fondues et tournées de la bonne façon. Pour faire un shooter. Et évidemment, chacun a l'air d'avoir été fait à la main parce qu'ils sont croches en motadine. Mais je pense que c'est fait pour ça. Ah, oh, c'est cute. Mais 32 $ américains. Tu ne manges pas one shot, hein? Peut-être pas, non. Ça l'emballage de 4. Sur le site d'Amazon.ca, ça va jusqu'à 60-80 $. Ah! Ben voyons donc. Ouais, c'est ça. Dispendieux. En tant que tel, les articles de thisiswhyimbroke.com sont bien fins d'avoir mis les prix en dollars canadiens, sauf qu'ils ont juste pris le dollar américain puis l'ont converti, je pense. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas regardé sur Amazon combien ça coûtait au Canada. Il est là. Fuyez-vous pas trop sur les prix, allez voir les articles. Ensuite, on parle souvent de boîtes cadeaux. En fait, on en parle presque à chaque chronique dans Ça existe. Celle-ci, c'est une boîte cadeau avec des bonbons rétro. Je me rappelle, depuis que j'ai liké cette page-là sur Facebook, je reçois des mentions pour la boîte de bonbons japonais. Je reçois tout le temps la notification « Abonne-toi à notre boîte de bonbons japonais ». Ça me tente bien gros. Mais celle-là, je dois dire, me tente presque plus. Des bonbons rétro. Est-ce que tu manges assez de bonbons pour faire ça? Non, vraiment pas. C'est ça l'affaire. Absolument pas. Il faudrait une petite boîte, là, genre vraiment pas cher, avec 2-3 bonbons par mois, puis ça serait bien en masse. Donc c'est il y en a comme 42. Il y en a de toutes les sortes. Ici, il y en a 30 environ d'une décennie particulière du 20e siècle, des années 1940 aux années 1990. Donc, t'as des pop rocks là-dedans, des genres de fausses cigarettes bonbons, t'as des bazookas, t'as les Smarties, les roquettes qu'on appelle ici. Il y a un paquet d'autres trucs comme ça, des tirs cette Catherine, peu importe. Et des petites lèvres en cannelle. Donc, allez voir ça. C'est sur Amazon Canada pour 68,83$. Voilà. Tu vois, l'article marquait 58$. Au Canada, on se rajoute un petit 10$ de plus pour ça. C'est vrai. Exactement. Ensuite, Quiggle, serait-ce le vélo pliant ultime? Nous demande un article de Uber Gizmo. Si vous êtes habitué des transports en commun, vous avez peut-être un vélo pliant. Des fois, ça existe. Il y en a qui ont ça. C'est eux qui ont beaucoup d'argent. Hein? Oui. Quiggle, donc, est un vélo pliant. C'est le résultat de 3 longues années de recherche et de développement. C'est pas un vélo comme les autres, blablabla, qui arrive sur Kickstarter, qui va entrer en production bientôt. C'est le croisement d'un vélo, d'un scooter, la trottinette, hein, et d'un monocycle ou unicycle, dépendant. Donc, l'engin offre une assise minimaliste pour soulager vos jambes lorsque vous pédalez en position quasiment verticale, ce qui a l'avantage d'être moins contraignant pour le dos, les épaules et les bras. Étrange. Une fois plié, une action qui prend quelques secondes, le Quiggle est suffisamment compact pour passer en tant que bagage en main dans un avion. Le tout pour seulement 8,5 kg. Vous pouvez aller voir sur la campagne Kickstarter. C'est déjà en ligne. Quiggle-bike.de. Donc, ça ressemble à un vélo, sauf sans le siège. Ça a l'air vraiment inconfortable, en fait, comme siège. Absolument. Le siège est comme en haut. Le siège est comme en haut, près du guidon. Faut que tu sois grand. T'as pas le choix d'être grand. Je sais pas comment... Ça doit pas être ajustable, le siège. D'après moi, c'est juste pour accoter tes fesses, un peu comme dans un arrêt d'autobus. Des fois, t'as juste l'appui-fesse. Ouais, mais comment tu veux faire du vélo en seulement t'appuyant les fesses? Allez voir, il y a une vidéo de démonstration, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Ça vous montre comment le gars se repose les fesses dessus. Ça a l'air de pouvoir bouger de hauteur. C'est genre, je sais vraiment ouais. C'est pas malade, mais bon, quand même. Quiggle, Quiggle. On reste dans les transports avec le skate électrique Bird. C'est un skate électrique français sans télécommande. Donc, après 3 ans de travail, le premier skate français de haute qualité avec un système breveté de commande via un capteur de pression. Couplé à une propulsion in-wheel, donc à l'intérieur des roues et disposant d'une batterie interchangeable, c'est une belle invention française qui va essayer sa chance, tenter sa chance sur Kickstarter. C'est associé à un bloc propulseur de une ou deux roues motrices capable d'atteindre respectivement 25 et 30 km/h. C'est 98 cm par 23,5, ça pèse 4,9 kg, une autonomie de 15 à 20 km pour un temps de charge de 90 minutes. Donc c'est ça, c'est un skate électrique avec batterie. Et ça avance tout seul. Pourquoi se faire des muscles de jambes? Mais oui, quand tu peux... Prends l'autobus à la place, tant qu'à ça, sérieusement. Ensuite, je crois qu'on est toujours dans les moyens de transport. Est-ce que c'est le cas? Non, absolument pas. On a changé de domaine pour un collier qui a l'air d'être fait de bulles. Ah, c'est cool. Des bulles comme les bulles pour enfants que tu fais avec de la gélatine, du savon, c'est ça? Donc, la Polo Box qui vend... Gélatine. Ouais, je sais. La Polo Box, donc, qui va se collier à bulles, un design de Marina et Susanna Sant. Le cadeau parfait pour les personnes qui aiment les belles choses, qui ont l'air fragiles, mais qui ne le sont pas. Hein? Voilà, donc c'est un collier en bulles, rien de plus à dire. Après, c'est quoi le Pearl Necklace? C'est ce que ça veut dire, un Pearl Necklace? Je suis pas certaine, non? C'est quand le garçon met ce qu'il a à faire sur le tour du cou de la... Dans ma tête, un pearl necklace, c'est un collier de perles. Ben, dorénavant, ta définition sera je autre. Je n'appellerai plus jamais ça comme ça. Et voilà. Ensuite, les Homesick Candles, c'est une compagnie, en fait, qui vend des chandelles qui sentent comme votre état, votre province, peu importe. Donc, ceux qui se sentent mal de ne plus être dans leur ville, vous allez pouvoir acheter ça pour 30$ américains. Pourquoi pas? C'est sur homesickcandles.com. Ensuite, ceux qui font de l'asthme ont des pompes. Oui. Ça arrive. Ceux qui veulent fumer ou avoir du pot dans leur système ont maintenant aussi leur inhaler. Non. Leur pompe. Oui, les stoners vont t'adorer. Donc, c'est le Vapen Clear Inhaler. C'est rempli d'albutérol, donc du THC pur. C'est pas rempli d'albutérol. L'albutérol, c'est le médicament pour les asthmatiques. Donc, c'est rempli de THC. Ils ont plein de sortes de ça pour remplir votre petite canisse qui contient 1000 mg. Ça, c'est pour 100 puffs par canisse. À environ 10 mg par puff. Voilà. Bah, donc le Weed Inhaler Vapen Clear Inhaler sur... Je trouve ça stupide. Oui, vapeandclear.com. Faites du vrai pot, puis prenez l'autobus. Ensuite, est-ce que t'as les spiritueux? On a déjà parlé de ça quelques fois, oui. Donc, Flaviar, ça sonne comme caviar, mais non, c'est flavor, comme flaviar. Oh. Comme dans, genre, tester des saveurs. Comme fancy. C'est vraiment fancy. Donc, c'est un club qui permet à ses membres de savourer une collection de spiritueux premium. À chaque quart, donc 4 fois par année, les membres reçoivent une boîte de spiritueux, des échantillons, qui viennent avec les notes, des descriptifs de ces alcools-là. Les membres peuvent échantillonner les spiritueux côte à côte avant de les acheter. Oh. Et Flaviar les aide à se développer un goût personnel pour les achats, pour des boissons plus fancy. On peut coter les spiritueux sur le site de Flaviar ou dans l'application et tout le monde va pouvoir se partager ça avec donc la communauté. Flaviar, F-L-A-V-I-A-R. Ensuite, pour les riches, tiens, si vous pouvez vous permettre tout plein de spiritueux, c'est que vous avez beaucoup d'argent. Donc peut-être avez-vous une grosse barre de hipster et peut-être voulez-vous en prendre soin avec un peigne en or solide à 9 600 $. Ça s'appelle le peigne Panthéon, avec même son petit étui en cuir d'autruche. Oh, OK. Vous pouvez l'avoir en rouge, en vert ou en mauve. C'est disponible chez Thomas Verres. Ça coûte 9 600 $ américains. Ça vient en jaune doré, donc de l'or jaune, 14 carats. Ou sinon en rose doré ou en or rosé, peu importe. C'est limité à 800 peignes numérotés. Évidemment, je ne sais pas si on va réussir à se rendre à 800 personnes qui ont 9 600 $ à dépenser sur un peigne. Mais quand même, ça existe. Mais ça ne répond là. C'est rare qu'on plug le titre de la chronique une fois rendu dedans. Fait que, c'est comme dans les films, quand ils disent le nom du film. C'est comme, ah, wow, c'est le nom du film. Ensuite, la mini-caméra est fixée sur une paire de lunettes. Des fois, on parle de caméra, de lunettes avec des caméras dessus. Ben là, vous pouvez essayer votre propre caméra sur vos propres lunettes que vous avez déjà avec la Pogo Cam. La Pogo Cam. OK. Moi, j'avoue que c'est comme du cam puis des pogos. Ouais. C'est comme un pogo qui aurait du cam dedans, ça serait dégueulasse. Ouais. Bref, ce petit module caméra fixé sur l'une de ses branches de lunettes permet de filmer ou de prendre des photos presque incognito bien dans ma peau. Les lunettes équipées de caméras ne sont pas une nouveauté, bien sûr, avec les Google Glass, plus récemment les Spectacles de Snapchat. Donc les Pogo Cam s'embarquent un capteur de 5 mégapixels qui permet de filmer de courtes séquences de 2 minutes en HD avec du son et de prendre des photos jusqu'à 100 d'un simple appui du bouton sur le côté du boîtier. Donc, une caméra ultra compacte, 10,9 par 12,5 par 42,8 mm, pèse moins de 5 grammes et se charge en seulement 35 minutes. Mais évidemment, quand c'est écrit Pogo Cam sur le côté, c'est un peu moins subtil, hein? Je comprends pas pourquoi les gens voudraient avoir une caméra sur leur lunette. Ben, tu sais, ça enregistre en continu, fait que peut-être que c'était victime d'un acte de vol. Mais oui, mais là, à un moment donné. Ouais, c'est un petit peu freak. Ouais, c'est ça. Il y a un aimant sur le côté pour que ça s'intègre à une monture de lunettes par aimant. Une fois le système en place, il suffit d'approcher la Pogo Cam. Elle est aussi munie d'un aimant. Blablabla. Bon, donc, c'est ça, l'aimant est intégré dans la monture, ça. Moi, que les fabricants de lunettes intègrent. OK, attends un peu. La société utilise un procédé qui s'appelle Pogo Track. Un élément que les fabricants de lunettes intègrent dans la monture des lunettes. Donc, okay. Ça fonctionne seulement dans les lunettes qui ont mis l'aimant Pogo Track. C'est ce que j'en comprends. Après ça, on approche le Pogo Track. Wow. OK, non, je pensais vraiment que ça s'adaptait à n'importe quelle paire de lunettes. Ce qui aurait été au moins une bonne idée. Mais non. Ça se connecte sur PC pour récupérer vidéos et photos. Ça va être présenté au prochain CES, la foire de produits électroniques à Las Vegas. Ça va être lancé le 30 mars au prix de 129 $ US. Ça, c'était quelque chose de complètement inutile. Hmm. Ensuite, le Smart Scanner de poche fait en France qui s'appelle Pop. Pareil comme le groupe de musique Pop. Hein? Mm-hmm. Pop, produit français. Ça dit que si la plupart des documents sont aujourd'hui numérisés et dans le nuage, songez donc aux partitions musicales, aux recettes de cuisine, aux notes papier ou encore aux dessins de vos enfants. On a encore besoin de scanners, donc, et c'est encore un peu encombrant. Donc, à l'état de prototype pour l'instant, la campagne de financement participatif de Pop a été couronnée de succès. On devrait pouvoir la voir au mois de juin prochain. C'est un petit scanner à main qui permet de numériser et d'envoyer vos documents de plusieurs pages sans effort, sans ordinateur. Votre document prêt à l'usage apparaît là où vous le souhaitez sur votre intervention. Pas de panique pour la sécurité, toutes les données sont cryptées et vos documents n'appartiennent qu'à vous. Ça ressemble à un petit rouge à lèvres, je te dirais. T'as un petit écran LCD apparemment dessus. Ici, on voit l'icône d'un courriel, donc j'imagine que ça doit être parce que l'icône doit être, j'imagine, tactile ou avec un bouton, tu dois pouvoir choisir, je l'envoie par courriel, Dropbox, peu importe. Et ouais, c'est quand même un beau petit gadget, scanner de poche français. Très cool. Ensuite, Megasus. Oui. Megasus. On en a pas déjà discuté de ceux-là? Non, je pense pas, non. J'ai vu la vidéo peut-être sur Internet. C'est possible, tu vas voir les notes de l'émission à l'avance tellement que t'as hâte à la chronique. Ah, c'est ça, t'as tout compris. Donc, Megasus, c'est pour les chevaux, en fait, mais tu sais que les chevaux, quand on les domestique, le fer à cheval a toujours été la seule chaussure fiable, mais ça fait mal au cheval parce qu'il faut clouer ça dans le pied, chose comme ça. Oui. Ça fait bobo. Donc maintenant, les chaussures de course de cheval Megasus Horse Runners par Charlie Fosner, fondateur de Megasus, qui travaillait comme inspecteur du bien-être animal pour les équidés en Autriche. Plus de 50% des chevaux qui devaient être euthanasiés souffraient de graves problèmes aux sabots ou aux jambes. Ces 20 dernières années, l'homme travaillait donc à concevoir des protections en plastique, les Dynamics des Easy Walker, et c'est tout récemment que son équipe a mis au point les Megasus Horse Runners. Les fers à cheval sont réputés pour leur durabilité, leur réglage, mais ils sont aussi très lourds. Ils restreignent les mouvements, n'absorbent pas les chocs, sans parler de la pédicure nécessaire qui peut endommager la corne du sabot. Cette chaussure est simple à mettre en place et à retirer en offrant tous les avantages du fer à cheval sans les inconvénients. Elles sont légères, peuvent être ajustées individuellement, elles sont faciles à mettre en place et offrent une protection sans entretien régulier. Sur tout terrain, elles permettent au sabot de rester flexible en absorbant au maximum les chocs. C'est vraiment le fun. Vraiment. On a lancé une campagne Kickstarter en octobre. Près de 170 000 euros avaient été récoltés sur les 100 000 demandés. Et les premières livraisons sont attendues en juillet 2017. Une très bonne idée pour les amateurs de chevaux. Et en général, juste pour les chevaux eux-mêmes. Ils devraient pouvoir se procurer ça eux-mêmes. Ben oui, malheureusement, il leur faut quelqu'un. Avec leur carte de crédit. C'est ça. Et on va terminer ce bloc avec un manteau qui se transforme en sac de couchage pour les sans-abri. Il y a plusieurs endroits métropolitains comme Détroit qui a de la difficulté avec les sans-abri. Selon un estimé, environ 86 000 personnes dans la ville n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Plusieurs solutions proposées, par exemple aux soins de la santé mentale, un toit, des placements pour les emplois, etc. etc. Mais il faut aussi s'assurer que ces gens-là restent au chaud. Donc le Empowerment Plant, EMPWR, donc ouais, Empower. Empower, EMPW, t'essaieras de dire ça, EMPWR. Empower. Empower. Ouais, c'est ça. Je te l'ai dit en premier. Ouais, t'as raison. Donc, ça utilise de l'isolation automobile upcycle, donc recyclé, mais pour faire quelque chose d'autre, pour fournir un extérieur à l'épreuve de l'eau et pour garder la chaleur à l'intérieur. Et quand c'est pas porté en tant que manteau, ça peut être modifié pour fonctionner comme un sac de couchage. Oh. C'est l'invention de Veronica Scott, qui est donc à Détroit, comme on l'a dit tantôt. Elle voulait travailler là-dessus pour produire ces manteaux-là. Chacun coûte environ 100$ en travail en matériaux. Et le Empowerment Plan utilise les ressources du département de l'éducation, c'est ça, pour aider les employés en tout cas, pour améliorer la vie des gens. C'est distribué au niveau national. Plus de 15 000 manteaux sont présentement utilisés. Et il y a une autre idée similaire qui s'appelle le Shelter Suit, qui est développé aux Pays-Bas. Allez voir l'article si vous voulez en savoir plus. Donc, un sac de couchage pour les sans-abri qui est aussi un manteau et vice-versa. Hey, je te dirais qu'on a fait 40 articles aujourd'hui. On bat des records. On est en feu. On bat des records. On prend une pause au retour. C'est Gabriel Béo de la chronique dans les coulisses de la Luitre. À son âge, OK. Assemblage requis, on est mercredi 7 décembre 2016, c'est Taïa Baudin. Avec Mathieu Plante. Et maintenant, on reçoit un homme... Qui vient de se joindre à nous. Oui, absolument. Un homme poilu, Oui. Oui. Rarement à poil. Non. Mais s'il était à poil, il serait à poil poilu. T'as coupé ta barbe, hein? Hein? Ouais, j'ai taillé un peu. Ouais, hein? Ça paraît? Streaming. Ouais. Ah. Streaming. Bien fait. Tu vois, je parlais de ça il y a quelques temps. Tes ongles sont bien droits. C'est ça. Ouais. Fallait en prendre soin. Voilà. C'est Barbriel! Barbriel! Hey, hey, bonjour! Allô! C'est dans les coulisses de la Luître! Salut! Hello! Comment allez-vous? Très bien, vous autres? Oui, c'est le fun de t'avoir tous les mercredis matins pour parler de la Luître. Oui, je suis bien content d'être là. Match qui a lieu tous les lundis soirs. Oui, en plus, on est toujours le reporter sur le terrain. Ah oui, notre Gabriel Boutantrain-Houd. Lui-même, sur la personne. Est-ce que tu veux qu'on aille l'entendre là ou on en parle un petit peu avant? Pourquoi pas? On y va? Pourquoi pas? Ah, Gabriel, joue-nous ça, c'est lundi soir le matin, come on! Allez, allez! Écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Bon matin. Je suis près de la chasse-galerie pour le match de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières pour le match qui oppose les Bleus aux Reds, et c'est le retour de Max Tanguay. Bon match et place au face-à-face. Face à face. Je suis avec Magali, la joueuse des Rouges. C'est Maxime qui arbitre ce soir. Comment est-ce qu'on se prépare pour ça? On se prépare, comme je vous dirais, on n'a pas besoin de se préparer, en fait. Maxime, j'ai été dans son équipe, j'ai joué avec, je connais c'est quoi ses petits détours puis ses petites subtilités des fois, puis derrière les apparences un peu méchantes, Maxime, il a le cœur tendre, puis dans le fond, tu sais, il nous veut pas de mal, là. Et toi, comment tu penses entamer le match contre les Bleus qui jouissent d'une expérience certaine? Ben, j'ai mangé beaucoup de bleuets avant de m'en venir, c'est ça. Ah. Et puis le mot de la fin, Magali? Alléluia. Face à face. Vincent, capitaine de l'équipe des Bleus, tu as la chance d'avoir un ancien capitaine sur ton équipe. Qu'est-ce qu'au banc ça fait? Ben, je pense que Alex a cette force-là qui est capable de nous amener puis de nous déstabiliser, même dans les choses qu'on pensait être capable de faire. Donc, c'est tout en fun de venir dynamiser un petit peu ce qu'on connaît déjà puis arrêter de faire du déjà-vu. Vincent, tu es une joueuse qui a eu la chance d'être la joueuse d'un capitaine de grand talent l'an passé qui... Qui ça? Qui lui a permis d'aller... vraiment loin. Je vois pas de qui loin tu parles. Dans l'impro. Toi, comment tu reprends là où les grands ont laissé? Ah ben c'est sûr qu'il a fallu repartir de la base avec Alexandrine. T'sais, tout ses construits étaient un petit peu wrong. Là. Fait que là, il a fallu repartir de la base, mais c'est une fille intelligente, elle apprend très vite. On a pu la rescaper. Là. Vous avez mis le feu et réclamé les assurances? C'est une métaphore. Il doit être en forme à soir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis avec un vétéran joueur, arbitre, détestable, Maxime. Allô? Maxime, pourquoi t'es là? Semble-t-il qu'il y a encore des gens qui ont des études puis qui sont en fin de session. Puis comme moi, je suis sur le marché du travail, je suis rendu un homme autonome. Je suis disponible lundi soir à venir faire des folies puis à venir rabrouer un peu des joueurs d'impro que... Moi, je m'ennuie un petit peu, on va se le dire. Depuis ton départ, la Ligue a changé. qu'est-ce que tu aimerais voir ce soir, de nouveau? Ben, tout. En fait, j'avoue que la semaine dernière, quand j'ai su que je remplacerais, je me suis dit que c'est vrai que ça faisait longtemps que je voyais de la bonne impro, qu'il serait temps que je vienne en voir de la moins bonne, et d'essayer de redresser ça un petit peu, parce que je sais que les deux nouvelles arbitres, Katiev et Véro, font un bon travail, mais c'est pas moi, tu sais. Fait que... Il y a tout le temps une coche de plus quand je me pointe, là. Non, exact. C'était agréable faire de l'impro. Et puis, un mot de la fin avant le début. Oui, moi, contrairement à certains joueurs, ce soir, je ne suis pas en lendemain de veille. Fait que je risque d'être rock'n'roll en tabarouette. Excellent et bon match. Merci, toi aussi. C'est une des premières fois que ça arrive où la personne qui gagne l'étoile de l'arbitre, c'est moi. Donc, c'est moi aussi qui prépare ce genre de chronique. Je savais pas trop quoi faire là, avec ce genre de situation qui est un peu embarrassante pour moi puisque je peux pas assurer le rôle de l'intervieweur et de l'interviewé. J'ai donc pensé vous lire quelques petites pensées. Toute porte de sortie est une porte d'entrée sur autre chose. Je ne suis pas en compétition avec personne. Je n'ai aucune envie de jouer le jeu d'être mieux que quiconque. J'essaie seulement d'être meilleur que la personne que j'étais hier. Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. N'abandonne surtout pas à cause de ce qu'une personne t'a dit. Utilise ces paroles comme source de motivation pour travailler encore plus fort. Et finalement, la tâche ne commence jamais. Le faible ne termine jamais. Le gagnant n'abandonne jamais. Pardonnez-moi, mon père. Amen. Ah, oui, oui. Je sais pas ce qu'il m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que j'étais. Hey! Hey, ho, ha, ho! Hey, Tania, salut! Hey, Tania qui est venue de l'action de mixionner. Oui, c'est ça, elle a fait de la mixologie. Elle est allée mélanger de l'alcool. Oui, voilà. Exactement. Avec l'ambiance parfaite pour ça. Hein? Tout à oui. fait. Ça a bien coulé. Ça sent vraiment le brûler, par exemple, dans le pavillon. Comment hein? ça, donc, les On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Ben voyons. Ouais, ouais. Ben voyons. Ah. Si vous avez une nouvelle comme ça. On est peut-être. Je suis peut-être en train de vous dire comme d'autres. Flash de dernière heure. Elle était là. C'est ça. Merci, Tania. C'est un plaisir. Donc, Gabriel, on entend ce reportage. On peut maintenant révéler que tu as eu l'étoile de l'arbitre. Oui, oh, oui, en effet, en effet. Moi, je pense, en tout cas, à mon souvenir, je me rappelle pas que t'as fait quelque chose comme ça. Gagner une étoile? Une étoile de l'arbitre. C'est arrivé dans le passé. Mais c'est ça, je pense... C'est pas parler, peut-être. C'est ça, hier, je me demandais, lors de la confection de cette chronique, qu'est-ce que je fais pour l'amour du bon sien. T'es comme un maître pâtissier, t'es rempli d'imagination. Voilà, donc oui, oui. Et des fois, t'es obligé de faire des gâteaux frozen. Oui. Mais là, des fois, tu peux te laisser aller avec ton originalité. Comme voilà. Fait, là. Voilà. C'est ça qui arrive. Donc, parlons du match qui avait lieu lundi soir, ce 5 décembre, entre les Bleus et les Rouges. Oui. Toujours à la Chasse-Galerie. Oui, c'est, oui. C'est un match palpitant, même oui, si c'est un match régulier. Très serré, d'ailleurs. Ben, ça s'est terminé 7-6 pour 7-6. Les Rouges. Incroyable que chaque match, littéralement, ce n'est pas arrivé qu'il y ait eu un match qui n'était pas serré cette année, je crois. Ouais, non, je pense que c'est ça. Ça arrivait une ou deux fois qu'il y a eu des matchs de choisi par plus que 2 points. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça reste serré, plus que 2 points, quand même, des fois. Bref, commençons par le début. J'ai les titres, comme toujours. Cette fois-ci, notre co-animateur, c'était Alexandre Marchand. Alexandre Marchand, oui. Ne pas confondre avec le Alex Marchand. Qui joue sur l'équipe des Rouges. Qui est votre président étudiant de l'UQTR. El Frère de l'Assemblée de l'Association voilà. Générale des étudiants de l'UQTR. Donc, thématique, quand il pleut. Oui. Ça a du sens. Les anneaux de Saturne. Justement, ça m'amène à parler du concept de Maxime Tanguay qui demandait une fois de temps en temps, à chaque quelques oui, heures, oui, oui. 4 fois dans la soirée, un mot de la part du public. Pour faire une catégorie qui s'appelle Cadavre exquis, c'était la dernière impro du match, mais on peut en parler immédiatement. Ouais. C'est un concept qui est emprunté un peu à l'émission Whose Line Is It Anyway, ouais. qui est, ma foi, très drôle. Absolument. Sauf que lui, ben, il a étiré ça tout au long du match, donc il s'est ainsi assuré que les trucs n'avaient aucun rapport, j'explique. Mm-hmm. C'est qu'il demande, par exemple, aux gens du public, j'aimerais avoir un métier. C'était plombier. Boulanger. Et boulanger. Pompier. Pompier. Pompier. T'as dit plombier. Oui. Ah, même chose, c'est plombier. Ça jogue des tuyaux. Ben oui, c'est ça. C'est Bruno Blanchet, joue le rôle. Voilà. Ça, c'est sauf rare. Que ce serait un peu bizarre, le calendrier des plombiers 2016. Je suis sûr que ça se vendrait pas mal moins. Ouais. Ça aurait bien de la craque, en tout cas, mais bon. Crack that. Bref. Oui. Donc, un endroit. Exact. Un endroit. Donc là, c'était Pluton. Ouais. On avait pompier, boulanger, Pluton. Et puis, une action, c'était trouver des petits chats. Trouver des petits donc, chats. Donc. Le cadavre exquis, c'est que une personne est un plombier, un pompier, excusez. Ah! Tu vois, hein, déformation. Facile à faire. L'autre est un boulanger. Ils sont sur Pluton et leur action, ils recherchent des petits chats. Très drôle. Donc, très drôle. C'est tout ça. Puis en plus, on apprend que la chanson préférée du boulanger, c'était du Leonard Cohen. Ah. Donc, plein d'éléments qui n'ont aucun maudit rapport ensemble. Ben, un hommage à Maxime Tanguay parce que toutes les improvisations, du début à la fin, non seulement il y avait une thématique à chaque quelques impôts mm-hmm. où on devait trouver un mot, mais chaque improvisation était le titre traduit ou en français d'origine d'une chanson d'un des albums de l'année selon Maxime Tanguay. C'est ça. Il se garde quand il fait l'arbitre. Ben oui, il fait... Tant mieux. C'est récurrent chez Maxime. Absolument. Donc, on continue avec un centaine Nicocus qui a commencé instantanément. Oui. La troisième improvisation. C'est exact. Pour, comment dire, que les chats retombent sur leurs pattes. C'est ça. J'ai adoré la thématique Le Roi du Chrome. Oui. J'ai adoré le fait que l'improvisation, tout de suite, dès le départ, était un hommage au geek parce que c'était le roi du Chrome comme dans Google Chrome. Oui, oui, du côté des Blancs, c'était le roi du Chrome. Il connaissait Google de A à Z. Très intelligent, ça. Moi, j'aime bien, c'est mon navigateur préféré. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas Netscape? Netscape Navigator? RuneScape? Non, pas RuneScape, le jeu. T'as eu Zone Émotion, Tête Perdue, Radiohead, ouais. Exercice de style, évidemment, oui. Où on varie les styles, faites-moi un film d'action. Exact. Bon. L'Épaule littéraire, bien sûr. Prison. Une prison. Je me rappelle pas c'est quoi le mot. Moi non plus. En tout cas. À la manière de Noël. Oui, ça c'était un à la manière de, et puis il fallait tweaker à la manière de pour que ça devienne Noël. Donc les Bleus ont fait une improvisation qui était magistrale, qui était à la manière de Charlie Chaplin. Oui, c'était oh, oui. incroyable, c'était super bon. Ah, pour vrai, c'était magique. Là. C'est ça, il y avait peu d'explications sur le fait pourquoi ils mettaient des bébés dans le sapin de Noël. Pas important. Ça. On va présumer que c'était des anges ou quelque chose. Hein, mais... Et puis, c'est ça, du côté des Rouges, nous, on a décidé de faire le parrain version Noël. Ouais. Donc, mais les Bleus ont joué en deuxième et je crois que ça les a avantagés. Ah oui, définitivement. Parce que le public venait de voir ça et c'était assez majestueux. Oui. T'avais une mon livre des regrets et t'avais l'impro du cadavre exquis à la fin dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était les quoi, 13 improvisations qu'on a eues dans exact. Le match de lundi soir. Ça finit, comme tu as dit, 7-6 pour les Rouges. C'est en plein ça. Ton équipe. Oui, je suis bien content. Ben oui. Maintenant, on passe au futur. Eh hey oui, hey Mathieu, jeudi, tu savais-tu qu'il y avait un match à 21h à la Chasse-Galerie, que c'est gratuit? Oui, et que c'est, on peut le dire, je crois, un match qui ne sera pas à s'annuler, contrairement à d'autres. Non, non, c'est ça, il y a lieu. Il va avoir lieu, je le dis. Oui, oui, oui. C'est déjà confirmé. C'est contre les Scabs, la Ligue d'impro du Cégep. Mm-hmm. Et puis, on a 6 joueurs de la Ligue de l'Université ouais. qui vont jouer versus 6 joueurs du Cégep. Ce sera officié par je sais pas qui. Ben, bon point. Est-ce que c'est des joueurs qui ont du talent dans les Scabs d'habitude? C'est là que les gens commencent. On a quelques... Oui, exact. Il y a quelques joueurs de la lutte actuelle qui proviennent des Scabs, qui sont des produits trifluviens 100% mm-hmm. pur grain. On parle notamment... on parle de Alexandre Marchand, mm-hmm. Francis Dugré-Lampron, ouais. Samuel le Fortin. Sub, oui, ouais. voilà, dont le nom m'échappait. À part Gabriel Béhoud qui va être dans l'équipe, en tout cas, je le dis, ça, je le sais. Oui, oui, mais je cherche les anciens des Scabs. Hein. Ouais, il y a Nadia Tranchemontagne qui est une des Scabs, ouais. jadis. Qui n'est plus là. Non. Mais bref, tu as mentionné des joueurs qui étaient dans les Scabs avant. Tu as dit Francis Dugré-Lampron, tu as dit Alexandre Marchand et tu as dit Samuel Fortin. C'est ouais, ça que tu as dit? Exact. Ils vont jouer pour la lutte. Ouais, ouais, je sais. Jeudi soir, en plus de Marc-André Marion Flamand. Oui. Et puis Magali. Et moi. Ça fait 6 joueurs, c'est quand même des ouais. grosses équipes. Ouais, ouais, ouais. Du côté des Scabs, la capitale va être Camille Beauchemin. Ouais. Julien Tabs, notre photographe, va être dans la liste des joueurs. Bien sûr. Dominique Flamand-Marion, le frère de l'autre. Ouais. Sandrine Drapeau. Brittany D'Amour et Rose Magnan. Des Scabs. Ouais. Ben, tu sais quoi, Mathieu, ça me fait moins de peine de ne pas les connaître parce que. Demain, j'aurai pas de remords après les avoir foutu une raclette. C'est ça. Tu comprends? Une raclette. Oui. Mmh. Allez, attendez, faites son je déjà. Sais, gratinez-moi ça. Tu vas manger des raclettes beaucoup? Bon. Oh, je sais pas, ça va être quoi les menus? Mais c'est meilleur que les fondus, tu sais, pour vrai, là, je trouve. Bon, les fondus, c'est plate. La fondue, ouais. Mais c'est plus... convivial. Ouais. C'est plus facile. Friendly, homestyle, ouais. Bonne franquette, ouais. Bref, donc ce sera jeudi à 21h pour le match contre les Scabs. Et la semaine prochaine, il y a un match lundi, 20h, chaise galerie gratuit. Un match normal. Oui, entre les oranges et les bleus. Mm-hmm. Et ça, ce sera le dernier match de la session. Oui, oui, oui, parce que la semaine d'après, ben, la dernière journée, je pense que c'est mardi le 20, la session, si je ne m'abuse. Ça se peut, oui, je... Ouais, ouais, ouais, ouais. On finit jeudi, donc ce sera le dernier match le 12 décembre et après ça, on reviendra pas avant le 9 janvier, donc un petit mois de congé presque entre les deux. C'est exact. Et la deuxième partie de l'année va être assez fulgurante. Mm-hmm. Il va s'en passer des choses, on va en reparler d'ici là, ça c'est certain. On pourra en discuter au début de la session prochaine. Bonne idée, quelle bonne idée. Donc voilà, soyez-y jeudi soir. On va avoir des matchs spéciaux, dont... les années passées, on a eu une poquée d'huître. Ouais. On a eu une poudre d'huître. Oui. Pour Poudlard, évidemment. Ouais. Cette année, on vous réserve quelque chose d'assez pas pire. Hein. On a déjà mentionné le nom en ondes, donc je pense qu'on peut le répéter. Mais c'est ce vrai? Sera... Ouais. Lord of the Luitre. Lord of the Luitre, le seigneur de la luitre. Voilà. Ça devrait être très fou. Ouais. Et dans le calendrier, en tout cas, je sais qu'on a dit qu'on en parlerait en janvier, puis on en parle là, mais il y a le match carnaval qui est spécial, un match spécial 8 contre Lim, comme à chaque année en février. Mm-hmm. Deux matchs spéciaux, apparemment, les 23 et 27 février, mais ça, on n'est pas rendu là, c'est ça. Le 6 mars, un concept luitre, on va bien voir. 20 mars, le seigneur de la luitre, et après ça, là, on passe en finale. C'est ça. C'est garni d'événements spéciaux. Voilà. Ben, c'est sûr. Soyez-y. UQTR.ca avec les 3W, /impro. Sur la page Facebook, l'huître. L'huître, voilà. Voilà. On retourne aux raclettes, là. Mettons l'affaire que tu mettrais dans ta raclette, là. Moi, c'est pas mal du poulet, le préféré, là. Bacon. Le poulet. Bacon. Dans une raclette? Ouais. Ah, des tranches de pain aux champignons, au beurre. Oui, oui, ça, c'est très bon. Moi, je fais des petites pizzas. Ah, oui? Ouais, ouais, ouais. Petite sauce. Petite sauce à pizza avec. Tu fais revenir tes pepperons. Pepperons. Tes petits salamaires. Ouais. Là, tu mets du fromage Joe, tu t'envoies ça en dessous sur le grill. Oh, wow, quelle sorte de fromage? Ouais, ouais, ouais. Ben, raclette. Fromage de raclette, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Tania? Fromage de raclette. Tu mets quoi sur ta raclette? Saucisse? T'aimes bien saucisse? Le poulet? Le poulet. J'aime bien du poulet. Le poulet. Puis aussi, tu sais, la viande à fondue. Oui, ouais. Oui. Mais sur la raclette. C'est meilleur sur la raclette que dans de la fondue. Et oui, définitivement. C'est plaisant. Mais la fondue, ce qui est le fun, c'est de varier le petit jus. Ouais. Sauce au vin. Ouais. Ça peut rester. Sauce au poivre. Au poivre. Oui. Oui, t'as une drôle de twist d'accent, ça vient d'où ça? La chinoise. La chinoise. Connaissez-vous la chinoise? Oui. Thank you. Je la connais très bien. Elle fait de la très bonne sauce. Oui. Ouais. Bref, hey, avez-vous hâte aux fêtes? Quand même, oui, toi. Surtout en vacances. Surtout au congé. Ouais. Ça. Moi, la musique de Noël. OK. Tania Baudin, il se présente. Oui, okay. Bonjour. Il va animer une nouvelle émission qui s'appelle. Attention. En route pour Noël. Can you believe? J'aimerais ça que tu ne ris pas du titre de ma nouvelle émission. Ça commence aujourd'hui à 14h. Ouais, c'est un spécial simplement pour le temps des fêtes. Pas de la musique de Noël. Ok, oui, Gab. Mais pas n'importe quel style. Country style. Country style et aussi le genre qu'on n'entend pas nécessairement à n'importe quelle station de radio. Genre du indie, du gros rock. De Noël. Peut-être du métal. T'sais, de Noël. Hein? Avoue que t'aimes ça, tu vas écouter. Entre 14h et 15h. Aujourd'hui. Okay. Les mercredis. Les mercredis. Ainsi que les samedis à 15h et les dimanches à 17h. Exactement. En reprise. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Ça reste Noël, hein? Même si c'est une reprise. T'as hâte, hein? Je sais pas. Je sais pas si j'ai hâte. Peut-être. Il sera en balado diffusion sur l'assemblage Rocky.com, en plus. Ben oui. T'as clairement hâte. Regarde la température. Tu veux que ça aille avec la musique quétaine de Noël? Oui. Les sentiers de Noël. Ah, tu vois dans... Mathieu, il aime pas la musique de Noël parce qu'il dit que quand il était jeune, il en a trop écouté. Ben, c'est que c'est tout le temps les mêmes 8 tunes. Ouais, mais tu sais, il faut que t'écoutes ça juste dans le temps de Noël, Mathieu. Ouais, c'est ça. Ben, mais écoute, c'est que concentré. Rendu au mois d'août, là, lâche un peu les CD de Noël. Tu sais, c'est genre, le 1er novembre, tu commences à jouer de la musique de Noël, la salle d'achat, puis c'est comme. Ouais, mais tu vas-tu dans les salles d'achat à partir du 1er novembre, toi? Non. Et voilà. C'est vrai. Ah ouais, moi, je vous déconseille fortement d'aller dans. Dans les centres d'achat. Moi, ma journée de magasinage est déjà planifiée. C'est le 23. C'est le 21. Ah, c'est le 21, pas pire, pas pire. Ouais, c'est une journée qui... Moi, j'ai déjà commencé mi-novembre. J'ai pas terminé encore. Ah, yoye. Wow. Ouais. Moi, c'est mes nièces ont leur fête exactement genre en novembre et en décembre, pour vrai. Ouf. Fait que les cadeaux, je vais les acheter, sauf que c'était pas pour Noël. Alors, ça là, t'es de Noël, toi? Ben non, franchement, Tania. Ouais. Une pierre deux coups. Si ta fête est dans le coin de Noël, tu voudrais avoir un cadeau? Non, tu voudrais avoir deux cadeaux. C'est ça. Et deux journées. Ouais, vu comme ça. Ouais. Un cadeau de fête puis un cadeau de Noël. C'est qui, Jean-Philippe? Je pense que sa fête, c'est comme genre le 25 décembre, genre. Ah ouais? Je pense. C'est fort. C'est la résurrection du Christ. C'est ça. Moi, ma mère, c'est le 31 décembre. Ouh! Puis, wow! Un de mes meilleurs amis et son frère, là, c'est des jumeaux, c'est le 1er janvier. Donc, eux, d'habitude, ils ne passent pas grand-chose pour leur fête. C'est ça. Mais hein, on s'organise pour fêter. À un certain point, là, quand tu es rendu à 18 ans, c'est un peu plate. Tu es comme obligé de fêter ta fête avec ta famille. Ouais. Tu peux pas les virer de brosse. Ben, ce qui est fabuleux, là, à Sorel-Tracy, la ville... Merveilleuse Barbrielle. Exemplaire, oui. Oui. Cette année, c'est le 375e anniversaire de Sorel, oui. Puis, ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'ils font ça. Ils ouvrent le centre-ville, un peu comme ici, là. Ouais. S'ils ouvraient en bas le quai, là, près de l'amphithéâtre, quoi. Ouais. Puis, ils font des célébrations du Nouvel An. Il y a des feux d'artifice. Cette année, je pense qu'il va y avoir un groupe de musique, en tout cas. Des bots, je pense, Sorel aussi. Oui, tout le monde a ça. Mais c'est des arts en plus, fait que c'est cool. C'est très cool. Fait que vous allez toutes geler ensemble. Fait que je vous invite toutes et toutes, au final. Sorel-Tracy, le 31 au soir. Pour fêter le Nouvel An et le 375e. Et la fête de ta mère et de ses frères jumeaux. Exactement. Mes amis qui sont frères jumeaux. Tes amis frères jumeaux, excuse-moi. C'est triplé, mais comme ça. Là, il n'y a aucune raison de ne pas venir. Mais non, leur mascotte, c'est une grosse botte. Elle est parfaite. Ils se promènent. Oui. Salut les gens. On est une mascotte? Non, mais ça aurait tracé la première ville où il y a eu un sapin illuminé au Canada. Ah, wow. C'est vrai que ça aurait tracé, c'est le frère de Dick. Dick Tracy. Ça, voilà. Son frère aîné. Ouais. Jumeau. Oui. Né le 1er janvier. C'est ça. Détective privé. Pense m'en faire un bout, moi, Mathieu, parce que là... Merci, Gab. C'est ça. Lundi, 20h, jeudi, 21h. Oui. En fait, en l'envers. Jeudi, 21h, lundi, 20h. Chasse-galerie gratuit. On vous invite en grand nombre. Yes, Popcorn! Oui. Il est bon en plus. Et de la bière. Et de la bière, oui. Oui, hey. Une nouvelle sorte de bière du Buckhill. OK, oui. Soyez-y. Ouais, de Drummond. Oui. Oui. Merci, Gab. On te retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on peut. Dernière fois. Oui. Mettons. Donc, c'est les mercredis à 8h30. Excellent. Merci, Gab. Bonjour. Bonne journée. Bye. On prend une pause. Au retour, ce sera Tania qui va nous divertir pour la prochaine demi-heure. Oui. Restez là. ceux qui courent ça. Oh, oh, oh, aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 7 décembre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Tania is gonna entertain ya, la chronique de Tania elle-même. Ah, ouais. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça de même. Oh my God. Mais avant ça, c'est le moment d'aller savoir ce qui se passe sur le campus universitaire. Allons-y. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. La Galerie R3 de l'UQTR organise une expo vente bénéfice jusqu'au 9 décembre. Plus d'une cinquantaine d'œuvres d'étudiants de l'UQTR seront en vente. Les profits financeront la Galerie d'art. Tous les détails sur la page Facebook de la Galerie R3. Le Café Frida lance son appel de propositions d'exposition pour l'année 2017. Les artistes intéressés doivent soumettre une description de la pratique artistique, une présentation du projet et une image par œuvre. Tous les détails du concours sont disponibles sur la page Facebook du Café Frida. L'organisme Équiterre lance la 9e édition de la bourse L'Or Varidel. La bourse d'un montant de 10 000 $ a pour but d'aider un étudiant ou une étudiante au cycle supérieur dont le sujet de recherche porte sur un enjeu environnemental. La page Facebook d'Équiterre donne tous les détails et la date limite pour soumettre votre candidature est le 15 janvier 2017. L'AGE UQTR lance des appels de candidature pour deux postes. D'abord, le premier poste est celui de la présidence d'Assemblée des réunions du CA. Une compensation monétaire est offerte. Ensuite, l'AGE UQTR souhaite mettre sur pied son comité électoral bénévole. Pour postuler à l'un des deux postes, veuillez écrire à secgen, S-E-C-G-E-N, à commercial-uqtr.ca avant le 9 décembre, 17h. Le mercredi 14 décembre se tiendra l'activité Tire-toi une bûche. Le service aux étudiants invite les étudiants à déguster des guimauves, chocolat chaud, saucisses et bouillon de poulet. L'ensemble vocal de l'UQTR est l'artiste invité. L'événement aura lieu en face de la place Gilles Boulet et l'activité est gratuite. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Perron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lui par Tania Baudin. On fait ça deux fois par jour dans l'Assemblage Requis, une fois juste avant l'émission, une fois vers les 8h30, 9h, ensuite à midi, puis à 18h du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est pas mal la même chose, mais c'est à midi et 17h à la place. Maintenant, c'est le moment de Tania. Ooh. Le spotlight se retourne vers elle. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do it. Tania. C'est bien moi. De quoi tu me parles aujourd'hui? Bien, je vais vous parler de voyage un petit peu parce que le mois de décembre, ça veut souvent dire que certains étudiants, en terminant leur session, vont partir dans le sud. Ben oui, on appelle ça décembre. Exactement. Il y en a d'autres qui vont tout simplement décider de faire des voyages en famille avant les fêtes ou de partir justement pour les fêtes en famille, d'aller fêter Noël ailleurs. Il y en a qui trippent sur les sports d'hiver, donc qui vont voyager pour ça. J'ai quelques idées pour vous. Entre autres, j'ai quelques idées là où... ça coûte le moins cher, entre autres, voyager à partir de Montréal. Ouais. Exactement. Donc, si jamais vous voulez vous relancer dans vos souvenirs de jeunesse pendant le mois de décembre, après vos études, là. T'sais, vous venez de terminer tous vos examens, vous n'êtes pas certain si vous allez passer votre session ou non, mais vous voulez quand même vous remettre dans le bain de tout ce qui était les contes de Noël et tout ça quand vous écoutiez des émissions ou des films lorsque vous étiez jeune. Une des places où, qui fait, où que c'est le moins cher voyager au mois de décembre, eh bien, c'est à Orlando, aux États-Unis. Hein? Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a à Orlando, aux États-Unis? Le parc d'attractions Disney World. Donc, pour 299 $ seulement, aller-retour, vous pouvez vous envoler pour aller voir justement Mickey Mouse et toutes ses princesses. Vous pouvez aller faire un tour là-bas. Les princesses appartiennent à Mickey Mouse, toi, dans ton histoire? Ben là, Mickey Mouse, il own les princesses de la place. Mais là, non? Il trompe Minnie Mouse. Non! Non! Tu fais mon avance? Écoute, pense pas qu'il n'y a pas cocu, non? Mais si jamais vous voulez aller faire un tour à Orlando, seulement 299 $. Et ce qui est le fun, c'est que bien évidemment, vous allez revivre tous vos bonheurs d'enfant, mais sous la chaleur de la Floride. Oui. C'est merveilleux, on adore ça. Si jamais vous voulez aussi aller encore un petit peu plus haut que ça, un petit peu moins... je veux pas dire enfantin, parce qu'apparemment que c'est pour les jeunes et les moins jeunes, là, Walt Disney, sauf que si jamais vous êtes plus du style à vous dire « je vais aller dans un tout inclus, je vais aller me faire griller sur les plages », eh bien, à Varadero, à Cuba, c'est 388 $ pour vous envoler là-bas. Et bien évidemment, lorsque vous allez arriver là-bas, si c'est dans vos premiers voyages, par exemple, bien, ça va être quand même très dépaysant. Vous allez avoir un changement de culture qui va être quand même assez grand. Vous allez pouvoir vous abreuver d'alcool. Vous allez pouvoir aussi goûter des choses qui vont être totalement différentes de ce que vous mangez habituellement ici. Et vous allez pouvoir vous faire griller sur la plage avec de très belles, très, très, très belles plages, parce que l'eau là-bas n'est pas comme celle ici. Non. Elle n'est pas gelée au mois de décembre. Voilà. Quoique, c'est pas totalement gelé, là. Ici, non. Au Québec, là, présentement, c'est pas spécial. J'ai hâte que ça pogne, par exemple, qu'on puisse aller patiner un peu partout. Pas moi. Non! Je suis à pied. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu patines? Est-ce que tu aimes le patinage d'hiver? Ça peut m'arriver. C'est quand la dernière fois t'as patiné? Il y a longtemps. D'accord. Une autre destination où c'est très, très peu dispendieux voyager dans le mois de décembre, c'est en Écosse. Donc, on vient de parler de Orlando, voyage pour se remettre dans le bain de notre jeunesse. Par la suite, on a parlé de Cuba pour justement aller se faire griller au chaud. Mais l'Écosse, c'est complètement différent. Vous allez voir, pour les gens qui aiment beaucoup la nature aussi, il y a beaucoup de montagnes que vous pouvez aller... rencontrer, mais aller escalader, par exemple, ou encore randonner. Donc, en Écosse, à Édimbourg, exactement, c'est 550 $ aller-retour pour le mois de décembre. Donc, vous allez certainement, si vous êtes du style à, justement, voir des petites maisons toutes collées qui se ressemblent, en Écosse, ça ressemble beaucoup à ça. Vous allez avoir, justement, des paysages à perte de vue qui vont être assez remarquables, merci. C'est plus le côté vert de la chose, un petit peu moins, je veux pas dire jet set, mais un petit peu moins voyage tout inclus, par exemple, que le sud, comme Cuba. Mais vous allez arriver là-bas et ça va être d'une beauté exceptionnelle. Par la suite, pour ceux qui veulent aller un petit peu moins loin du côté de la planète Terre, vous pouvez tout simplement vous rendre à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour 359 $ durant le mois de décembre. La Nouvelle-Orléans, on le sait, vous ne sortez pas le soir après 11 h. Ah, OK, ça, je sais pas ça. Du moins, vous faites attention parce que c'est quand même une place qui est assez violente le soir. Là. Mais pour tout ce qui est jazz, tout ce qui est Crescent City, tout ce qui est si vous êtes des amateurs de l'émission avec les vampires qui est The Originals, bien, vous allez reconnaître ces fameux endroits où il y a plusieurs scènes qui ont été filmées. Donc, si vous êtes des amateurs justement de jazz, si vous êtes des amateurs de ce qui est quand même calme, parce que de la Nouvelle-Orléans, oui, c'est fou dans le temps du Mardi Gras, oui, c'est fou dans le temps de l'Halloween, sauf qu'en décembre... C'est plutôt calme, donc vous pouvez tout simplement aller à la Nouvelle-Orléans pour justement voir l'architecture. La bonne bouffe. Le gras. Les bières, apparemment qu'on a de bonnes bières à la Nouvelle-Orléans. Et bien évidemment, si vous appréciez la musique jazz, bien c'est comme un incontournable de vous rendre du côté de la Nouvelle-Orléans. C'est sûr. Il y a aussi le Mexique où c'est pas très très cher de voyager durant le temps de décembre. Mais la place que je veux vous parler, entre autres, c'est la Chine. Vous pouvez voyager en Chine pour être complètement dépaysé là, au mois de décembre. Et être laissé à vous-même et pas comprendre grand-chose. Vous pouvez vous rendre à Shanghai pour 591 $, ce qui est très peu cher pour la Chine, c'est on loin. S'entend. C'est très loin. Donc, vous allez être sûr d'être très bien dépaysé. Ouais. Et il y a tellement de gens, il y a tellement de cultures aussi en Chine que vous allez pouvoir, si vous êtes plus du type techno, vous allez pouvoir trouver quelque chose là-bas qui va tout simplement vous rejoindre. Et si vous êtes du style aussi nature, bien, vous allez pouvoir voyager à quelques kilomètres de Shanghai et trouver des paysages à perte de vue pour 591 $. Aller-retour. Aller-retour, ce qui est excellent, il faut le dire. Rentable. Tout à fait. Il y a une île qui s'appelle Oran Hestad. C'est l'île d'Aruba, en fait, dans les Caraïbes, où ça coûte 462 $ voyager pour le mois de décembre. Et là, on a parlé de technologie, on a parlé d'amateurs de musique du côté jazz, on a parlé de voyage de jeunesse avec Orlando. Mais là, les Caraïbes, Oui, vous avez des plages, mais si vous voulez aller sauter, tu sais, vous avez, on voit tout en ça sur les réseaux sociaux, des gens qui vont sauter d'une falaise, des gens qui vont sauter dans des grottes pour se ramasser à quelque part où qu'il va y avoir des chutes. Eh bien, l'endroit, l'île d'Aruba dans les Caraïbes, c'est une des places comme ça. Vous allez pouvoir justement faire aller votre côté aventurier un petit peu. Sauter en bas de certaines falaises avec des amis ou votre famille, tout simplement. Si vous êtes du style à vouloir tout simplement vous enfuir du froid du Québec pendant le mois de décembre, eh bien, c'est une des places idéales pour ça parce que clairement, vous allez avoir cette fameuse eau bleue très claire là. Vous allez avoir les paysages qui vont être de couleur très verte, bien évidemment. Exactement. Donc, le côté nature va être très, très là, mais le côté aussi culturel va vous créer une espèce de changement qui va être très plaisant à vivre. Aruba, Aruba! Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement quitter le froid, mais on veut tout simplement quitter le Québec, bien, il existe les meilleurs endroits pour faire du ski en Amérique. Et la seule place au Québec qui a été nommée dans cette fameuse liste-là, c'est le Mont-Tremblant. Mm-hmm. Donc, si vous ne voulez pas quitter le Mont-Tremblant, le Québec, sachez-le, vous pouvez tout simplement vous rendre à une des meilleurs endroits en Amérique du Nord pour faire du ski, et c'est le Mont-Tremblant. Donc, si vous aimez skier, par exemple, dans les Alpes, mais que votre budget est limité. Exactement. Disons, plus réduit. Eh bien, justement, le Mont-Tremblant est là pour ça parce que la station possède le charme quand même d'un petit village tyrolien avec des pavés qui sont ronds. L'endroit regorge de boutiques, de spas. Il y a beaucoup de bars aussi. Vous allez pouvoir connaître différents types de bières. Vous allez aussi avoir une grande variété de restaurants et c'est à peine à 130 km de Montréal. Donc, si vous atterrissez à Montréal ou si vous partez de Montréal ou si vous partez d'ici de Trois-Rivières, bien c'est facile de se rendre à Mont-Tremblant. C'est pas très, très compliqué. Et si vous êtes, je sais pas moi, peut-être que vous nous écoutez d'Ottawa, par exemple, bien c'est 160 km d'Ottawa. Donc, c'est très accessible. Et la montagne, elle a 875 mètres. Donc, quasiment 2000 pieds de haut. C'est le plus haut sommet des Laurentides et la dénivellation fait en sorte que les pentes sont exceptionnelles apparemment pour les amateurs de ski ou les amateurs de snowboard parce que faut pas les laisser de côté, là, les amateurs de snowboard. Donc, la montagne reçoit 150 pouces de neige annuellement. C'est loin des 350 pouces de Jay Peak, par exemple, ailleurs en Amérique du Nord. Mais Tremblant possède l'équipement pour justement fabriquer de la neige artificielle le plus puissant de l'Est du Canada, ce qui est quand même très cool. Ça met le Québec sur la map des amateurs de ski assez souvent, merci. Le prochain endroit où vous pouvez vous rendre pour faire du ski ou pour faire du snowboard ou comme vous voulez, eh bien, c'est Aspen, au Colorado. Aspen, en fait, c'est l'ultime destination de ski en Amérique du Nord depuis des décennies, au point où elle pourrait devenir, en fait, une montagne passée, tu sais, out. Quand on dit quelque chose démodé, est out, là. Exactement, démodé, parce qu'il y a tellement de gens qui la connaissent, justement, pour être une des meilleures destinations de ski, que ça en devient quasiment un attrait touristique, tout simplement. Mais avant que le jet set là, des célébrités se pitchent à Aspen au Colorado pour aller faire du ski, il devait y avoir une raison pour laquelle Aspen au Colorado était une des meilleures places pour aller faire du ski. Bien, la raison, c'est parce que la montagne et la qualité du ski sont exceptionnelles. Donc, il n'y a aucune piste pour les novices. Il faut le savoir, vous devez déjà savoir skier. Vous devez pas être comme moi, votre première situation de ski. Mm-hmm. Donc, 48% des pistes conviennent aux skieurs intermédiaires, 26% sont des losanges noirs et un autre 26% sont des doubles losanges noirs, ce que j'imagine est en fait un degré de danger envers les pistes pour ceux qui connaissent très bien le ski. Et le sommet est situé à 11 000 pieds et il a une dénivellation de 3267 pieds. Il y a 76 pistes qui sont desservies par 8 remontes de pente. Ça fait beaucoup de gens, beaucoup de lignes d'attente. Il faut s'en attendre. C'est rendu un attrait touristique à Aspen au Colorado pour les montagnes de ski. Donc, vous allez attendre, bien évidemment, une longue durée pour vous rendre, mais vous êtes là pour vivre quand même l'expérience qu'est la montagne d'Aspen au Colorado. Voilà. une autre des places où il fait bon aller skier dans les meilleurs endroits en Amérique du Nord, c'est le Lake Louise Mountain en Alberta. Donc, le Lake Louise, c'est une des trois destinations de ski situées dans le parc national de Banff. Le paysage est grandiose et ça va définitivement vous couper le souffle quand vous allez arriver là-bas. Le paysage, c'est vraiment de toute beauté. Si vous tapez Lake Louise Mountain sur Google, si vous aimez l'hiver, c'est sûr que vous allez trouver ce que vous voulez là-bas. Les chutes de neige sont très, très modestes, à 179 pouces pour la neige. Mais la qualité du ski est de classe mondiale. Les pistes sont couvertes d'une neige qui est légère, comme c'est généralement le cas dans les centres de ski situés dans la partie de l'est des Rocheuses. Et la montagne va s'élever à une altitude de 2637 mètres, ce qui est beaucoup. Il y a 139 pistes au total, donc c'est difficile à imaginer, mais il faut le voir et il faut le vivre pour le croire. Si vous êtes des amateurs de ski, c'est une des places où c'est super beau d'aller skier là-bas, justement. Et il y a aussi le Vermont, Stowe au Vermont, qui est la station de ski qui possède tous les éléments recherchés par les skieurs, c'est-à-dire les restaurants, les boutiques, les spas, les accommodations de premier plan, et elle possède également certaines des pistes les plus exigeantes de l'Est pour des pistes intermédiaires qui semblent ne plus finir. En fait, ouais. Il y a tellement de pistes. Je vais te donner un petit défi, là, tu vois. Là. Exactement. On parle d'une montagne qui s'élève à 4000 pieds, une dénivellation de 2000 pieds, et ça reçoit 330 pouces de neige. Ça possède des canons à neige pour le début, le milieu et la fin de la saison pour justement aider à prolonger la saison de ski. Il y a 116 pistes, dont 4 qui sont frontales et doubles, losange noir, ce qui, j'imagine, comme je le disais tout à l'heure, est une des pistes qu'elle a calculée comme étant les plus dangereuses ou les plus... hardcore. Ouais. Et il y a 13 remontes-pentes qui vont permettre justement à 15 000 skieurs d'atteindre le sommet à toutes les heures. Donc, il y a plus de 15 000 skieurs par heure qui vont se rendre au Vermont pour aller skier. Et c'est certains des endroits qui fait bon où aller skier dans les meilleurs endroits en Amérique du Nord. Mmh. Voilà. Pour ceux qui veulent pas nécessairement quitter le Québec, on fait quoi? Ouais, c'est quoi l'affaire, le Trois-Rivières-Ouest, c'est quoi? Oui, c'est ça, exactement. Shawinigan. Le Body Cap. Comment ça s'appelait la station de ski de Mont-Carmel? Ah, je sais pas. Mont-Carmel. T'as jamais été glissé à Mont-Carmel dans ton passé? Ah oui, je crois que oui, mais ça fait vraiment longtemps. Clairement, toutes les écoles primaires allaient là à un certain point pour aller faire de la triple. Je faisais tout pour ne pas y aller, mais oui, en fait. C'est ça. Ah, oh, je me filais pas. C'est ça. Mais par exemple, si vous êtes du style à vous dire, vous vivez à Québec ou vous vivez à Montréal, mais ça vous tente pas de faire la route, vous tapez tout ce qui est conduite pour vous rendre de Québec à Montréal, eh bien, j'ai quelques idées pour vous, sachez-le. Téléportation. C'est, oui, exactement, claquer des doigts comme ça, puis vous allez vous rendre à Montréal ou à Québec. On claque les talons. Oui, c'est ça, comme... c'est qui faisait ça? C'est la sorcière bien-aimée? Non, ça c'est le nez qui trimoussait. Oui. Non, c'est les briques jaunes. Là. Les briques jaunes? Ouais. Machine Does. Oui, OK. Oui. Et voilà. Ouf. Bien, sachez que les vols Montréal-Québec existent. Les vols? Les vols. En avion. En avion. À 3 heures de distance de char. Exactement, mais attention, 3 heures de distance de char en vol, c'est approximativement 49 minutes. OK. C'est quasiment de la téléportation, finalement. C'est quasiment de la téléportation. Ça dépend, bien évidemment, si vous voulez faire un aller-retour, si vous voulez faire un aller simple. Il y a des prix qui sont quand même très modestes, disons ça comme ça. Considérables aussi, si vous n'êtes pas du genre à vouloir vous taper tout le trafic de 3 heures avec la neige. Le gaz, la nourriture, café, pause pipi. Exactement. Ça n'arrête plus, ça. Si vous êtes juste genre aimé voyager en avion, ben oui. Puis que vous avez un petit 200$ comme ça, de lousse, là, ben allez-y en avion. Bon. Québec-Montréal, ça se fait en avion pour moins de 200$, tout dépendant de la date à laquelle vous voulez partir. C'est pour ce que c'est quand même pas si pire, tu sais. Non, c'est vrai. Ouais. C'est très pas si pire que ça. Si vous voulez y aller, aller-retour, par contre, Ah? C'est un petit peu plus dispendieux. Oh, OK. Oui, mais j'ai une idée pour vous si vous voulez juste y aller en aller simple. Ouais. Vous dites, oh, j'ai le goût de me faire un trip en fin de semaine. Tu reviens comment après? Je vais en aller simple en avion, ouais. Mais je reviens en train. Oh, bon! Oh, j'aimerais ça en train. Hein? À vous, on n'a pas ça à Trois-Rivières de gare de train. Hein? On en avait une, mais elle sert à rien. On n'est plus un arrêt de Via Rail. Ça, là, ça m'énerve au plus haut point. Bien, si vous voulez faire ça, si vous voulez partir en aller simple ou vous partez en train, vous voulez revenir en avion, peu importe, c'est quelque chose de possible. Le vol va vous coûter aux environs de 200 $, comme je l'ai dit. Mais le train, par contre, pour 3 heures et demie ouais. approximativement de route. On s'entend, vous n'avez pas à payer de gaz. Vous n'avez pas encore une fois à devoir endurer, je ne sais pas moi, 4,5 dans ouais. une Volkswagen Golf. Là, sûrement que tu as le Wi-Fi, j'imagine. Oui, Wi-Fi. Okay. Eh bien, à partir de 33 $, c'est... Ah. Oui, 33 $, c'est possible de faire Montréal-Québec 133 $, en train. Non, non, non, non. 33 $. Ça n'a pas de sens. C'est merveilleux. Ça n'a pas de sens. Pour vrai, j'ai vérifié les autobus voyageurs. Oui. Je crois que c'est comme... Il me semble que c'est 50... Exactement. Ouais. C'est plus dispendieux de prendre l'autobus que de prendre le train si, pour une longue distance comme ça, Montréal et Québec, c'est possible de le faire à très peu de coûts. Donc, vous pouvez vous faire une espèce de trip entre amis, vous dire, OK, on se paye un vol, mm-hmm. on y va, mais on revient en train. C'est comme, tu sais, tant qu'à payer une limousine, paye-toi un avion. Ben, okay. Ben oui. T'sais. Ça coûte moins cher qu'une semaine à Vegas. C'est ça, pour une occasion spéciale. T'as regretté le voyage à Vegas oui. cette année. Ça serait quand que tu partirais si tu y allais? Je serais partie en novembre, en fait. Oh. Exact. Mais t'es bon. Obligé de faire de la radio à place. Feu Vegas. Mais, ouais. Feu Vegas. Mais si vous êtes difficile à vous dire, je sais pas moi, on va skier à Québec, mais faut revenir parce qu'on veut aussi aller skier à Montréal ouais. le lendemain. Ben oui, ben oui. Ben en train. Bam! C'est super facile. Wow! J'aurais jamais c'est pensé. C'est très cool. J'aurais jamais pensé, moi non plus, faire la route Montréal-Québec en train parce que dans ma tête, ça se faisait pas. Mmh. Et j'y avais jamais pensé non plus en avion. Ouais. C'est très court comme durée d'avion, là, 49 hey. Minutes pour 200 $. Mais quand vous y pensez, vous arrivez à Montréal, vous n'avez pas besoin de chercher un stationnement. Le décalage horaire. Décalage horaire, plus, t'en as pas. T'sais, écoute, c'est merveilleux. On aime davantage. Ça. On adore ça. Wow. Mais pour vrai, tout ce qui est de retour, qui est au rétro, là, toutes les émissions des années 90 qui reviennent, oui. puis les produits, les vinyles, tout ça, oui. pourquoi est-ce qu'ils rouvriraient pas une nouvelle gare Via Rail à Trois-Rivières? Hein? On a déjà une. On vous le demande, fait en fait. On vous le demande, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse devenir un arrêt sur Via Rail. C'est quoi, là? On est rien pour vous autres? Tu sais, on a déjà été quelque chose. Pourquoi? Non. On est considéré comme la ville entre Montréal et Québec. Oui. Un arrêt entre Montréal et Québec, c'est à Trois-Rivières. C'est normal. Ça devrait être comme calculé déjà. Ouais. Mais non. Avec un petit McDonald's. Exactement. Bref. J'imagine ça, ce serait beau. Oui. Trois-Rivières sur Saint-Laurent, fuck that shit. Mais quelque chose hein? qui est extrêmement beau, Mathieu, si jamais on parlait tout à l'heure de destination de ski, on parlait de destination voyage, si vous voulez vous rendre dans l'Utah, l'Utah? Laurent Utah. Laurent Utah. À l'Utah, aux États-Unis, si vous vous rendez à Midway, vous pouvez aller visiter un endroit qui a servi dans un des vidéoclips de la prochaine pièce que je vais vous présenter. Mais c'est les Ice Castles. Donc, ce sont des châteaux de glace. Tout est fait de glace. C'est extrêmement beau. Vous allez pouvoir le faire selon un horaire parce que, bien évidemment, ça coûte quelque chose. Mais on s'entend, pour rentrer, ça coûte 9 $, tu sais. Ouais. C'est probablement plus le voyage qui va vous coûter quelque chose de plus dispendieux, mais c'est extrêmement beau et c'est l'endroit que les gars de Piano Guys ont décidé d'utiliser comme endroit pour faire justement les scènes de leur vidéoclip. Qu'est-ce que de Piano Guys? En fait, c'est un groupe qui est formé de 5 artistes américains. On parle de John Smith, Stephen Sharp Nelson, Al Van Der Beek, Tell Stewart et Paul Anderson. Ils vivent tous dans l'Utah, ils viennent de là et qui sont fait connaître sur YouTube pour les remakes des pièces musicales de certains films. Donc tout ce qu'ils font, ce sont des remakes de films, mais de façon, attention, classique. Donc on parle d'un cello, d'un piano, et vous l'aurez deviné, ça s'appelle The Piano Guys parce qu'en français c'est les gars du piano. Ils ont plusieurs vidéos sur YouTube, ça vaut la peine d'aller voir ça. Mais hier, je suis tombée sur la pièce... La fameuse pièce qui fait penser à l'hiver pour plusieurs jeunes filles depuis de ce monde. Depuis 3 ans, genre. Let It Go, dans Frozen. Mais attention, mélangé avec Vivaldi. Wow, ça va être charmant. Ça va être très, très haut. On va entendre ça tout à l'heure. À la fin de l'émission. Merci beaucoup, Tania Baudin. Ça fait plaisir. On fait Tania Sgalante Tania tous les matins de semaine à Assemblage Rocky. Oui. Nous, on va terminer l'émission ici avant d'écouter ta pièce, Tania. Remerciement. Nos chroniqueurs, c'est-à-dire Gabriel Béo. Pour les quiz à la huître, notre ami Sébastien Vigartin devrait être de retour, j'espère bien, la semaine prochaine. Espérons. Dans sa case horaire du mercredi à 7h30. Demain, l'émission jeudi, on va terminer la semaine avec la chronique de la GQTR. Alex Marchand va être avec nous à 8h pour parler de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer dans l'Association générale des étudiants de l'UQTR. On va aussi avoir une grosse pointe en dresse pour terminer la semaine. Je vous rappelle, on a parlé de notre gros potluck d'une grosse pointe en dresse. On a décidé que finalement, c'était le 22 oui. décembre qu'on va faire notre potluck. Donc, notez ça, une grosse émission spéciale. Soyez-y, le 22 décembre. Oui. Mais bon, comme je disais, demain, AGE et une grosse pointe en dresse entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, à 10h, ce sera l'émission Compte à rebours avec Antoine Lamoureux, l'émission de compte traditionnel. À midi, c'est Qu'on être ensemble, émission pour tout savoir sur la périnatalité. Ensuite, à 13h, réponds avec une chanson avec Belle Emmanuel. À 14h, tu vas être de retour pour ton émission En route pour Noël. Okay, oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission-là? Vous êtes même pas prêts à fêter l'arrivée de Noël. C'est comme dit. Ça, vous allez voir, il y a plusieurs pièces que vous allez connaître, mais il y en a d'autres que vous connaissez absolument pas ou probablement pas, et je vais vous les faire découvrir. C'est ce soir, cet après-midi, pardon, à 14h pour En route pour Noël avec Tania Baudin. Moi, je vais être de retour à 15h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 17h, c'est Audiomatique, l'émission d'électronique, et à 19h, de la musique du monde avec David Ferron et l'émission Lob Trotter. C'est fou.ca pour la programmation complète. En fait, la journée la plus remplie d'émissions en direct de la semaine et le mercredi, donc c'est vraiment important de synchroniser toute la journée. Hein? C'est fou.ca, assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. Merci encore, Tania Baudin. Merci encore à toi, Mathieu Plante. On se quitte, comme tu l'as dit, avec The Piano Guys, Let It Go, Disney's Frozen, Vivaldi. Et on se retrouve demain, 6h30. Bon café, tout le monde. Bye. Thank you.